Metro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 37e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Oui! Oh yeah! Yes sir! Tabarnouche! Ben de retour! Ouais! Ouais! Ça faisait longtemps! Ça faisait un bout de la boîte! Ouais, ouais, c'est par ça. Contre, les pinottes là, en styrofoam, là, j'aimerais ça que vous me changiez ça, je suis allergique. Ouais. Ah ouais, c'est allergique aux pinottes. Ça goûte le yard, c'est clair. Ça. Ouais, non, mais ça n'avait pas donné. Il y a une semaine qu'on a sauté. Il y a une semaine, là, on parlait de 64. On avait un invité de l'extérieur. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, puis honnêtement, vous avez bien fait. C'est un maudit bon show. Je vous ai écouté, j'ai bien apprécié. Moi, je ne connaissais pas la 64 tant que ça. C'est dans la période où j'étais plus gaming PC. Ouais. Fait que j'ai appris pas mal de stuff. Ouais, moi, ouais. Avec, j'ai trouvé ça bien intéressant. C'était, ouais. c'était super le fun. Ouais, on s'est fait couler live. C'est ça, on est expert. Il y en aura d'autres. Non, mais c'était le fun. C'était le fun aussi. Je pense que ça a été bien apprécié du public. Puis c'est ça. D'ailleurs, si vous avez des suggestions à nous donner pour les prochains spéciaux, allez-y, tu sais, nous autres, on y pense, puis on prépare ça. Non, mais... on le fait pas. Tu as eu des suggestions, ah ouais. Ça va directement dans le déchiqueteur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Envoyez-nous des fax, tu sais. Non, mais on avait un en tête. Ben là, la sortie de Street Fighter V, on avait peut-être pensé à un spécial Street Fighter. Oui. Ouais, ça serait dans l'air du temps, comme c'est on vrai, dit. C'est ça, exact. On travaille là-dessus, là, ça s'en vient. Ouais. Pas de mettre de pression. Non, j'envoie pas de pression. Non, c'est en préparation, là, des discussions avec des gros joueurs. Là, puis... Ouais, c'est ça, on a un invité aussi là, qui va être là pendant ce temps-là. Ben non, puis moi, je me disais, quand Mighty No. 9 va sortir, ben... je vais faire un spécial Megaman, mais Chris, arrête pas de le retarder. Ouais, c'est ça. Ben moi, Mario, il m'a prêté en plus Megaman Legacy sur 3DS. Fait que j'ai bien l'intention là, de passer au travers de ça. Ben oui. Ça, c'est les 6 Megaman du NES, dans le fond, que tu peux jouer sur ton 3DS. Ben, sérieux, on devrait faire le spécial Megaman à partir de ça. Ben ouais, à partir de ça. En Brainstorm Live, là, ça nous met dans la marde, mais... Ouais, mais par contre, là, t'es commis, là, c'est comme... tu dors plus pendant les deux prochaines semaines. Non, mais il y a peut-être des épisodes, là, je vous en ai pas parlé, d'ailleurs, là, puis dans le fond, ça va fitter avec notre pacing d'introduction, mais le bar est à veille d'ouvrir, puis il va peut-être falloir que je saute les épisodes, là. On va se faire sacrer à pas. Ouais. Ben non, ben pas tant. Ici, on a le local jusqu'au... en fait, j'ai vendu les deux tables, je pense à ça. On va peut-être en garder. En tout cas, je sais pas ce qui va arriver, mais ouais, il va falloir checker ça. Ouais. Ça va être, puis c'est pas juste ça, c'est moi aussi qui va manquer de temps. Ah oui. Parce que, ben dans le fond, je vais en parler là. J'ai fait l'annonce cette semaine. Ah ben oui. Dom, attends un petit peu d'abord, on va te mettre une musique des circonstances. Ah oui, tu m'as fabriqué de la musique. Ah! Oh. Yes! Victoire! Ça, c'est quand tu glisses sur le poteau, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça! C'est un concept différent de bord, là. C'est pas ce que vous aviez en tête. Fait que j'ai annoncé cette semaine qu'Arcade Montréal allait prendre la place du bar Exit à Montréal, qui, lui, prenait la place du Café K.O. Puis ça, c'est dans le quartier latin, au 2031 rue Saint-Denis, entre Sherbrooke et Ontario. Et puis... dans la côte. Direct dans la côte, direct voisin du Randolph. Ouais. Et puis c'est pas loin du Nexus Smart Bar. Et puis de la Récréation, je pense, au coin de la rue aussi, qui est une autre place de board games, ce genre de café. Fait que c'est très geek, là, dans le quartier latin. Ouais. Puis, fait que c'était une annonce, man, là, ça a été partagé en fou. Je pense qu'il y a eu 500 partages, un reach de 120 000 personnes. Wow! Ouais, c'est fou. Puis, genre des milliers de likes, là. C'est incroyable. Ben, les gens attendent ça. Il y a un manque à Montréal là, pour ça. Fait exact. Que... Non, mais c'était tout était pas mal c'est positif. Là, j'ai regardé bien les commentaires et tout. Il y a beaucoup de monde nostalgique du Café K.O. en fait. Ouais. Puis là, le monde sont comme... C'est comme moi, man, c'est pas de ma faute si t'aimais ça, non, le Café K.O. et que t'es arrêté d'y aller. Ils ont été obligés de fermer. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Exact. Et d'ailleurs, il est fermé depuis 2 ans parce ça que c'était le Exit qui a pris le local. Ouais. Mais c'est pas le Exit non plus qui ont mis le Café K.O. dehors. Là. Ouais. Café K.O. il a fermé parce qu'il marchait plus. Là, non, fait moi, j'étais nostalgique quand j'ai vu tes photos parce que j'ai fait 2 shows là-bas. Ouais, c'est au Café ça, il y a bien du monde qui sont là. J'ai d'ailleurs vu un de tes shows au K.O. Vu un de tes shows là-bas. Mais il y a beaucoup de monde nostalgique de la place aussi qui sont contents. Ah oui, c'est sûr. Il y avait c'est vibe beaucoup plus positif que négatif. Ah oui. Fait que, il y en a d'autres aussi qui comparent avec, mettons, le McFly à Québec. Ouais. Le McFly, c'est gratuit à l'entrée, da-da-da. Si le McFly met un cover, ça ferme le lendemain matin. Hein. C'est sûr. Là, Québec et Montréal, c'est pas la même densité de population. C'est pas la même game. Fait que, puis de toute façon... que ce soit le House of Dark qui a un cover puis qui a des bands, que ce soit Québec qui a pas de cover puis qui est vraiment très très très rétro, tu sais, lui il y a pas de machine des années 90, il y a pas de Mortal Kombat là, c'est rien que des vieilles affaires. OK. Puis nous autres, où est-ce qu'on va avoir des consoles aussi puis tout ça. Ouais, pis chaque bar d'arcade fait et personnalisé, tu sais. T'as des restaurants de toute l'envie, t'as des bars d'arcade de tout. On s'entend aussi que t'es au centre-ville de Montréal, les taxes sont probablement pas mal plus élevées. Exact, exact. No game. Tout est très cher, tu sais. Non, mais c'est une belle offre de toute façon. Moi, sérieusement, j'ai vu ça. C'est correct, 5$ de, ouais, de moi, cover. Moi, je trouve que 5$ là. Pour jouer à des machines à Will, il n'y a rien là. Dans le temps, à l'arcade, 5$, tu faisais quoi, une heure 5$, max, c'est Terminator, ici, là. Ça, c'est 20 minutes. Tu finis pas le jeu, là, c'est sûr. Là. C'est 50$ finir. Terminator 2. Les Turtles, c'est 10$. Imagine la pinball, comment ça coûterait cher à jouer à ça. C'est ça. 5$ à Total Carnage, mon gars, les pires 5 minutes de ta vie. C'est ça. Ça, c'est comme Smash TV, mais dans la jungle. Ouais, exact. Fait que c'est ça, dans le fond, on vise l'ouverture le 1er avril. On veut faire une ouverture médiatique le jeudi, juste avant, le 31 mars, pour les médias, la famille et le core, les troopers proches qui nous suivent depuis 3 ans, qui me suivent depuis le Funzo. Puis après ça, le lendemain, le vendredi, ça sera l'ouverture. Fait que là, c'est ça, je suis crissement dans le jus, là. Faut que je gosse l'enseigne extérieure, faut que je fasse de la déco en dedans. Demain, je lance l'appel pour les entrevues, faut falloir que je comptabilise, je passe à travers tous les CV, tout ça. Tout le monde travaille comme des défoncés. Fait que je sais pas encore, mais ça se pourrait que ça me prenne du temps, que je sois obligé de sauter un rétro nouveau ou deux. En tout cas, ouais, peut-être encore plus correct, proche de l'ouverture, là. Mais, comme je disais, Rétro Nouveau et les podcasts, on veut les faire dans le bar, devant le public. Yeah. Ça va peut-être être un petit les mardis, tu sais, tranquille, peut-être pas de cover ni rien. La bière est là, venez écouter les podcasts live, tu sais. Ça pourrait être très. Il va falloir mettre des pantalons, là, c'est ça. Ouais, là, c'est pas ça. Ouais, c'est tenue de ville, là, c'est-à-dire. pantalons. Ah ouais. Mais c'est ça. Donc, tout est possible là, avec ce beau projet-là. Nous autres, on a acheté ça pour s'amuser. Fait qu'on a bien l'intention de le faire. Eh oui. Et tout, s'il y en a qui ont des idées ou whatever, qui veulent participer, genre, hey, moi, j'aimerais ça faire une soirée de trivia animée, tout ça. Si t'as une ligue de Street Fighter, t'as une ligue de Smash, ben, t'es le bienvenu. On va te donner une journée, man, puis rentre tout le monde, tu sais. Comme on va comme juste essayer de remplir ça tout le temps. Là. Fait que beaucoup de travail. C'est vraiment cool. Mais ça s'en vient, là. Ce rêve va se réaliser. Ouais. Ben au moins, faites pas ça tout croche, tabarnouche. C'est normal, non. Ça prenne du temps, là. Non, non, c'est ça. Là, aujourd'hui, il y a des rénaux qui se faisaient, là. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de voir ça, là. C'est, de la peinture, enlever des rideaux, arracher de la tapisserie, de revernir des trucs, installer des TV. Ça va être pas mal. Ouais. Ah, ça, j'ai hâte de voir ça. On a hâte d'aller là-dedans, puis d'essayer... J'espère juste qu'on est capable de vivre assez longtemps. Tu vas mourir. mourir de fatigue, tu sais, c'est ça qui se passe. C'est ça qui va arriver. L'ouverture, je vais être là 3 soirs en fil, mais je vais mourir là. Je vais pas sortir jamais. Là. On va arriver au fil d'arrivée, tu sais, comme épuisé, puis c'est là, genre, que tout le monde vient de voir. Tu sais, en tout cas, la vie est faite de même. Mais je vais rider ma job de jour en même temps, tu sais, par la suite, tout ça. Fait que c'est clair que je serai pas là tous les jours non plus. Fait que, tu sais, famille, bar, job, ça va être... Ouais, non, ça va être intense ta vie dans pas long. Ouais, ça va être très intense. C'est déjà, ça commence déjà, là, pas pire à être intense. Ouais, je me débrouille. Ah ouais. Je me débrouille. T'as-tu vécu dans la face? Encore... Ouais, c'est clair. Il s'en va plus. J'ai beau dormir. Le véhicule, il reste collé. Ouais. Oh! Tu vas devenir comme le président américain, on va avoir la photo avant, après. Ouais, c'est clair. Ouais, exact. Ah ouais, c'est sûr. Avant, après, Arcade Montréal. Il va prendre la bedaine aussi, il va devenir une vraie guenille. Tu vas devenir alcoolique aussi, parce que tu vas avoir cette facile à de la bière en fût, tu sais. Merci pour ça, un autre. Ah ouais, un autre. Ah ouais, c'est moi qui paye ça. Boire, c'est profit. Surveillez la page d'Arcade Montréal, puis ça se développe. C'est fantastique, man. Yeah. All right. Sinon, toi, t'es embarqué dans le merveilleux monde des transformations physiques exact. De ton corps. J'ai maintenant un troisième testicule qui me permet toutes sortes de choses. Non, en fait, je me suis fait tatouer. Puis je vais venir vous le montrer. Oh! En podcast, c'est un excellent moment en ce moment. Ouais, c'est ça. Ah, oh, on voit bien. On voit très bien. Bien, là. Bien. Fait que Bruno s'est fait jouer un Game Boy PAL, c'est-à-dire que les boutons sont pas du même bord que la version américaine. Sauf si tu regardes dans un miroir, t'es correct. Ouais, c'est ça. Non, j'aimais ça gaiser avec ça. Ouais. Quoi? Il a eu peur. Il a eu peur. Quelques secondes, en fait. Tu sais, j'étais sûr de ma shot. J'ai vraiment vérifié, vérifié et revérifié. Mais là, c'était tout frais. Ouais, il venait de le faire. La première personne, j'ai écrit, c'est Dom. Là, j'ai écrit, hey, check ça, man. Il fait comme, tabarnak, les boutons sont pas en bonne place, man. Calice! J'étais sûr de ma chance, je te répondais pas. J'étais sur Internet, j'ai cherché plein de photos. J'étais comme, ah, moi, chier! T'avais déjà dit au gars, il préparait le gros rond noir. Ouais, c'est ça. Fait que t'as aimé ton expérience, t'es satisfait? Ouais, je suis vraiment satisfait. Je vais te faire ça à Toronto. Puis c'est mon premier tatou. Et n'ayez crainte de vous faire un tatou, ça va bien. C'est pas si pire que ça. J'ai envie. Ça dépend où aussi. Ouais, toi, Ben, t'es couvert. Ouais, mais toi, Ben, t'es un Christi. Je peux vous dire qu'en arrière du genou, c'est un peu gossant. Alors, ça doit être épouvantable. C'est pas spécial. Moi, j'ai eu la plus longue séance de tatouage que j'ai eue, c'est 9 heures d'affilée. Et, bon. Et puis, je peux vous dire qu'à la fin, j'étais vraiment tanné. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Le tatoueur doit être fatigué. Tu fais une journée de 9 heures, c'est intense. Lui, là, c'est pas, tanné aussi, c'est là, pas comme répondre à des emails 9 heures. C'est du travail de précision. Ça dépend, tu sais, comme c'était mon tribal. Fait que, là, okay. C'est du remplissage. Je faisais du remplissage. Okay. Ah, c'est, ouais, c'est moins intense, c'est moins de précision, mais pareil. Il était là, il dit, il faut que je prenne un break. Puis, tu sais, le corps aussi, à un moment donné, commence à réagir de manière assez particulière. Là, les 4 premières heures, tu sais, dépendant des personnes, tu sais, ça va varier. Là, mais tu sais, t'as l'adrénaline, l'endomorphine qui embarque. Fait que ça, tu sais, la douleur, tu vas la tolérer. Après ça, t'es tout off. Donc, est-ce que tu te chies dessus à un moment donné? Non, mais j'ai vu du monde mal filé, là, vraiment. Ouais, là, ouais. Tu sais, du monde se lève, puis titube, puis il plante parce que, genre, le corps, là, il est en chute de pression. Puis, c'est pas ça. Tu sais, en tout cas, on parlera pas de tatouage, là, mais bien manger avant de tatouer, là, de se faire tatouer. Ouais, c'est une ça, bonne c'était idée. Important. Ouais. Mais moi, c'était une petite affaire, c'était une demi-heure. Ouais, c'est mais ça. En fait, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que le tattoo shop où j'étais allé, c'était un peu, tu sais, c'était un peu tough. Les c'était gars étaient tatoués d'en face. Ben, tu sais, c'est ça, c'était au Canada. Mais c'est vraiment des toughs. Là, il y a deux dudes qui rentrent, mon gars, deux colosses, tu sais, puis il a vraiment l'air d'être des thugs, tu sais. Puis là, le gars, il parle avec, je savais pas trop ce qu'il demandait, il s'assoit sur une chaise. L'autre, il va y faire un piercing, mais le gars, il est tough, il a vraiment une face badass. Là, il se fait percer le nez, j'entends comme... Puis là, le gars, il pleurait, puis il s'en va dehors avec son piercing, avec un Kleenex sur le nez. C'était mourant, c'était une des meilleures images que j'ai vues de ma vie. Fait que c'est là que t'as ben, renoncé. Ça doit venir chercher. Tu sais, as-tu déjà essayé de t'arracher un poil de nez? Ouais, c'est là, ça. C'est... Tout de suite, ça va dans l'œil. Oh, oui. Non, mais ça doit être épouvantable. Ah ouais, ça doit pas être fait le fun. C'est là en que fait, t'as c'est... renoncé à ton projet du Prince Albert. Ouais, exactement. C'est correct. On se demandait pourquoi t'avais reculé. Là, on comprend ça. Un projet de longues années, de longue haleine. Mais ouais. Non, mais c'est ça. Mais c'est, en fait, c'est la seule place dans le monde encore maintenant où t'es vulnérable. Dans le c'est, nez. Ouais, non, dans le nez, mais dans un tattoo shop. T'sais. Ah ouais, ouais, ouais. À un moment donné, t'as plus le choix. T'sais, t'as beau faire ton frais, t'es plus tough. Ah, c'est sûr. Man. C'est une place. En tout cas. Tu sais, il y a on dit que l'État a le monopole de la violence légitime. Ouais. Mais il y a aussi les médecins et les tatoueurs. Les dentistes aussi, ouais, un peu. C'est vrai. C'est un peu torture. Les ramancheurs. Les ramancheurs. All right. Dans un autre ordre d'idée, j'avais écrit dans le pacing show que Nick s'était fait partir un tatou. Pas un tatou, un tits. Ouais. Est-ce que c'est vrai? C'est fun? Non. Mais c'est un projet, là, tu sais, toi, tu parlais moi, j'ai de Prince Albert, là, mais... Ah ouais, t'as eu ça, là? Ouais, mais ça... J'ai un ami qui a eu ça aussi, puis ça finit par infecter, puis... Ben, non, moi, c'était pas ça, c'était plus que quand tu fais du sport, c'est un peu gossant, là. Ouais. C'est con, là, ça mais... Ça frotte sur le jogging, ça doit faire c'est mal c'est ça, je fais du jogging, là, c'est ça, à un moment donné, j'ai fait... non, ça avec rien, tu finis par saigner des têtes, c'est du jogging, fait que j'imagine pas avec ça, là. Avec ça, j'ai enlevé. Ouais, ben, tu sais... tu me regardes un peu, là, ça fitrait vraiment pas. Ça serait comme... Non, mais ça se fait un petit côté edgy, c'est ça, là. Genre pas de vêtements, là, Nick ouais, est super kinky, il y a des affaires épouvantables. Il y a des bottes présentement, ouais, là, voyez pas de ce que genre je porte, latex. Exact. Ça, exact. Ouais, ça fait Robert. Ouais, exact. Ça fait latex. Un petit peu SNM, là, fait que... T'étais ganté de cuir aussi. Ouais, tout à fait. Fait que, ben là, Bruno, tu dis tous mes secrets ouais à l'Internet, là. Fait que c'est... Parce que j'aimerais que tu montes un mandat. Je vais aller changer ta page Wiki. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on invite les auditeurs à faire une page Wikipédia pour les cours. Ben oui, oui, ouais, chacun de nous. Ouais, totalement. Écrivez ce que vous voulez. On va du fun aller. Jusqu'à temps qu'on perde notre job. All right, fait que sur ça, un grand retour. On a eu un auditeur qui a été extrêmement généreux avec nous. Et puis, Pierre Lapointe va faire un retour de son absence récente du show. La voix, c'est bien prenant. Ouais, la voix, c'est prenant, maudit. Il est-tu encore là-dedans? Oui, oui. Ah oui, OK. Ouais, il est tout le temps là-dedans. Ouais, c'est écoute, ça, c'est un chèque mais, facile. Mais c'est tellement un chèque facile, man. Moi, quand je vois Ryan Moffat, là, je me dis comme, waouh, c'est... On dirait que je la respecte moins en tant qu'artiste de la voix, là. Mais... mais je comprends que les gens, ils veulent de l'argent, tu sais. T'as besoin d'argent. Ouais. Ouais, les Denis Drolet qui font des annonces de Kentucky, je trouvais que ça marchait bien. Ouais. Je comprends pas que le monde a chié sur mais lui. Il a dit... ouais. Mais Louis-José Hood qui fait des annonces de... T'sais, il était drôle ces annonces de ouais là, mais il n'y en avait pas de besoin parce qu'il y avait déjà en masse de cash. Mais il y a du monde, ça le dérange moins aussi. C'est moins payant d'Ariane Moffat que Louis-José Hood. Fait que c'est ça. C'est moins payant d'Ariane Moffat que Louis-José Hood. Si vous avez choisi ça, oui, soyez Louis-José Hood. C'est sûr, Louis-José Hood, il a fait un... Ariane Moffat, non, mais ça doit bien aller pareil. Ouais. Il avait fait une pub sur les bibliothèques du Québec aussi. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Ça ressemble à du pro bono. Tu sais, pas un cachet de la mort. Ouais, hein. Non. Ouais, c'est ça. Non, non, mais lui, non, c'est ouais, ben non, non, non, je regarde le line-up de la voix, puis je trouve que c'est tout le monde qui a crissement besoin d'argent. Claude Legault, je pense qu'il a fait 500 000 piastres avec la couverture. Ouais, lui, il a fait du cash en mode. Sérieusement, à faire le CSST. Ah, sauf que, tu sais, en même temps, tu sais, les gens, ils ont été concertisés, ça a fonctionné. Ouais. Ah oui. Mais bon. Ouais. Et c'est sûr que c'est un beau petit montant, là. Mais ouais, hein, c'est ça. Ben, c'est la pub, puis c'est correct. On va le faire pour la moitié, là. La voix, c'est les gens ne travaillent pas gratuitement, là, tu sais. Ça, c'est une affaire. Arrêtez de me demander de travailler gratuitement, s'il vous plaît. Ouais. C'est assez. On ne peut pas faire ça. Oh. Hein. Je m'en vais. Les... All right, fait que on va le faire, ce poème. On lui laisse toute la place. D'ailleurs, Inter-Pierre. Un beau soir, nous sommes arrivés au local. Un dénommé Martin Gagnon nous avait fait un don. C'était bien plus qu'un orignal. Je me suis étouffé avec mes Doritos quand j'ai vu les fonds. Semble-t-il que tu es directeur artistique? Que ton art te dis que de ton art tu défies les lois de la logique? Dominique et Bruno sont eux-mêmes des directeurs artistiques. Ils te saluent avec un rapporteur d'angle en remontant leur barnique. C'est pas Amer Gamer qui nous aurait fait un don. La dernière fois qu'on leur a demandé de venir, ils nous ont traités de morons. Après, ils se sont mis à fourrer une Wii U et à nous pitcher des piments. Si tu les vois passer, dis-leur qu'on a leur chandail, les sacraments. That's it. Wow! Oh, man, c'était inspiré, ça. Ouais, c'était très inspiré. Tu nous as emmené dans des places que je m'attendais pas. Exact. Ah, moi non plus. Pierre, je savais pas qu'il utilisait du langage ordurier. Ouais. Toujours ouais, propre d'habitude. Ben, à un moment donné, à force d'être à TVA, c'est ça. Ton langage sort du riz, comme on dit. Il était mangé avec la pierre. Là, ouais, c'est ça. Un petit lunch. Fait que merci, Martin Gagnon. Ouais, merci. Oui, merci énormément. Super Trooper, sérieux. Yeah. C'était très, très, très, très, très, très apprécié. Et merci à tous ceux qui nous supportent. C'est vraiment génial. Ouais, il faut les remercier parce que là, aujourd'hui, on est le 8 mars. Ouais. On est dans le positif, finalement. Bon. Ah, bon ben, finalement. Après 5 ans. Après que mon compte ait été dans le moins ces années-là, on est fier on est dans le positif, c'est bon. C'est fun, on va pouvoir finalement améliorer le show, là, pour vrai. Là. On a payé l'équipement. Ça fait tellement passer à l'analyse des geeks. Là. Ah ouais. Les deux premières années, là, on roulait dans le rouge, là, puis là, un moment donné, tu fais « Wouhou! » Ah ouais. Ah ouais. Tu reçois ton chèque. Pas ton chèque, mais ton compte de carte de crédit, t'es comme « Yeah, c'est noir! » Ouais, c'est ça. On va tous s'acheter des scooters, man. Ouais, de couleur thématique. On va aller chiller, là. Des frisbees pis des hacky. Ouais, c'est ça qu'on voulait. Des pogs, ah ouais, man, des pogs. Les scooters Spree, je sais pas si tu te souviens de ça. Ah, clairement, là. Hey, ça faisait du bien. Juste des jugs pis des Raz, des Jazz. Ah, des Jazz. Il y avait aussi des Zuma 2. Ça, c'était quasiment motocross. Ouais, ça, c'est ça. C'était comme. Ouais, mais là, t'étais un autre coche, là. Ouais. Ben, j'habitais en région, hein. Moi, le monde, il y avait des scooters. Moi, continue à rouler avec Marley, moi, c'est beau. Ouais, non, ça t'impressionne pas, ça. Un Spree. D'ailleurs, un Spree, c'était miniature. Ouais. J'en ai revu un à vendre. Je passais sur. Je pense que c'était sur Saint-Joseph. Je me suis arrêté. J'étais en vélo. Checkais ça. Puis ça a l'air de quelque chose pour les enfants, en fait. C'est tout petit. C'était tellement petit, tu sais. C'est comme. Mais à l'époque, ça avait l'air plus grand. Là, fait que, ça avait l'air big. Ouais, mais aujourd'hui, t'impressionnes plus grand monde. Mais, bon. Personne, en fait, avec on ça. On devrait peut-être pas s'acheter. C'est surtout pratique. Non, finalement, ouais. Okay, c'est bon. De rendre à ton arcade avec ça. Là, ben oui, man. Si partir ferais. De chez nous, aller au bar ouais. En scooter. Quoi de mieux que de revenir en état d'ébriété sur la scooter. La police, pas ça, les scooters. Hein. Non, c'est... tout croche. C'est ça, ils pensent tous que t'as 16 ans et que t'as pas l'âge de boire de toute façon. Ils vont jamais t'arrêter. Hey, ça me donne le goût, sérieux. C'est pas cher en plus. Mais non. Mais honnêtement, c'est un beau moyen de transport. Ouais. Ben oui. Moi, j'en ai eu un une couple d'années. J'avais un petit Piaggio Vespa, là, 50cc, puis mais c'est dangereux, par exemple. T'as pas assez de puissance. Le monde... Faire des dépassements. Ouais, c'est ça, tu sais. Le monde te voit pas, fait que tout ce que tu peux faire, c'est breaker puis te tasser, tu sais. Une moto, toi, t'as de la puissance pour ouais, ça, aller quelque part. Ça fait du bruit aussi. En là. Plus, le monde t'entend. Ouais, ça a l'air de rien, mais tu sais, les gens chialent souvent contre le bruit de moto. Alors, on est un show de tatou pour une moto. Ben ouais, c'est ça. Chose, hein? Mais ouais, c'est, le fait que ça fasse du bruit, là, ça éveille autour de toi. T'sais. Ah, clairement. C'est sûr, je peux comprendre que c'est dérangeant. Là, non plus, tu le rinces pas devant les fenêtres des gens pour rien. Il y en a qui font ça, là, mais ouais. c'est pas ça le but. Là. Mais Dom, pour garder ton persona, moi, je te suggère un BMX. Ah ouais, ça serait mieux, bon, man. Chaud, hey, regarde ton vocab, là, la petite jacket, pas de manches, là. Une patch I have the power. Faut que je travaille mon look, man, pour le bar. Ouais, il faut vraiment. Ça. Parce qu'il y a un troll qui nous a traité de bar de puceau, man. OK. Puis qu'on était du monde qui jouait à Yu-Gi-Oh! Puis qui buvait des milkshakes. C'est qui ce gars-là que j'avais commencé à 60 personnes qui allaient avoir dans place allaient cumuler à eux une heure de sexe au grand total. J'espère que cette personne-là. Il y a comme beaucoup d'enfants dans les Tu dis genre, t'avais 16 ans quand Yu-Gi-Oh! Ouais, est sorti. Ça. Attends un peu, je l'ai. Il s'appelle. Tom va des call-out. Ouais, c'est un genre de rider là, de qui boit du Monster. Là. Ah. Il s'appelle Maxime Saint-Denis. Tabard. Et puis, comme ami commun, Jérôme Cloutier de Le jeu, c'est sérieux. Alors, il était voilà. peut-être. Ce gars-là n'est pas gentil du tout envers les gens qui adorent les jeux vidéo, les traites de puceaux, les traites de caves, de gros lards et de mange-marde. Donc, si vous connaissez ce garçon, ben envoyez-le chier. Parce que c'est ça. Ouais, mais pourquoi il est dans tes amis? Non, il est pas dans mes amis. Il okay. a juste comme polluer la page, comme insulter la clientèle, dire que notre projet c'est de la merde. Fait que là, il est bloqué. Bon. Ça va faire un spot de plus. Ouais. Hey, il me semble qu'on a plein de jeux et des manettes. Ouais, aussi, ouais exactement. Soit on va avoir un spécial manette quand on va finir notre spécial sentier chasse et pêche. Puis dossier piste de cheval. Fait que. Merci, Chevreuil. On a quelques critiques pour vous avant de commencer ce spécial-là parce qu'on va évaluer toutes les manettes. On sort pas de site tant que tout est pas fait. Laisse-moi texter ma blonde. Ouais, ouais c'est ça. Donne-moi ton sel. Je te vois dans deux ans. Goodbye forever. Fait que, on va commencer ça en critique. Yeah. Yes. Moi, j'aime pas ça dire ça. J'ai dépoussiéré ma Vita. Je trouve tellement que c'est une affaire qui est ouais. poche à dire. Mais en fait, oui, j'ai joué vraiment beaucoup à la Vita récemment grâce au jeu Crypt of the Necrodancer. Et ce jeu-là, c'est un jeu fantastique, indépendant. C'est un jeu en fait de rythme, mais aussi c'est un roguelike dungeon crawler ou je sais pas trop quoi. Fait que, en fait, les tableaux sont générés aléatoirement. Puis toi, t'avances avec ton personnage au beat de la musique. T'as un rythme que tu dois garder. En bas, tu vois les battements de ton cœur qui suivent le battement de la musique. Puis toi, tu dois avancer en suivant le beat. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment niaiseux, mais c'est pas si facile. Puis en fait, ce qui est le fun, c'est que quand tu continues là-dessus, ce qui fait que tu restes dans ce jeu-là, c'est les tunes. C'est le fait que là, la musique est vraiment bonne, puis tu veux rester sur le beat, tu veux continuer. Puis les ennemis qui sont dans le niveau, t'es bats pas genre en arrêtant sur une case, puis en slashant, puis tout. Faut que t'avances, puis que t'ailles dans la direction de ce personnage-là pour pouvoir le frapper. Puis tes armes vont changer aussi dépendant de ce que tu vas ramasser pendant le niveau. Fait que tu commences vraiment avec rien. T'as pratiquement rien. Puis là, après ça, bon, t'attrapes une plus grosse épée. Des fois, t'attrapes un espèce de boulet au bout d'une chaîne. Tu vas attraper une épée qui a plus de reach, un fouet, plein de trucs comme ça. Puis tu vas aussi faire du... Il y a beaucoup de jeux de digging qui sont vraiment le fun, des jeux de creusage. Bien, là-dedans, il y en a du creusage aussi parce que tu vas pouvoir détruire certaines parties du niveau. Puis il y a des trucs cachés à l'intérieur de ces briques-là, ce qui fait que, bon, c'est assez intéressant de découvrir tout ce qu'il y a dans le tableau. Mais tu n'as pas tout ton temps. Une fois que la toune est finie, tu changes de niveau. Ah ouais, peu importe où est-ce que t'es. Peu importe où est-ce que t'es. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est que ça monte comme ça, une toune après une toune après une toune, il y a un boss. Okay. Puis après ça, tu passes au deuxième monde. Puis les tounes, que ça a l'air? Les tounes sont excellentes. Ah ouais? C'est okay. Vraiment bon, c'est vraiment bien c'est composé. C'est quoi, c'est genre du chiptune? Ouais, c'est du chiptune. Okay, c'est du vraiment... chiptune, mais tu sais, on dirait vraiment... c'est comme un espèce de mix entre du Super NES puis Genesis, un peu comme style de musique. Puis c'est ça, bref, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que les ennemis sont super variés. T'en as vraiment de toutes les sortes, puis ouais. Ça change à tous les mondes. Comme ça, c'est ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est juste le premier monde. Puis ton personnage, ben c'est un personnage qui doit absolument suivre le beat de la musique. T'as d'autres personnages qu'ils frappent plus fort, sont plus tough pour battre les ennemis, sauf que sont plus lents, puis ils ont pas besoin de marcher sur le rythme de la musique. Il y en a qui lancent juste des bombes, il y en a qui ont différentes particularités. Fait tu peux y aller avec d'autres personnages. Moi, j'ai aimé y aller surtout avec le personnage, je pense que c'est ça, ça s'appelle Cadence, pour cadence, suivre la cadence, quel jeu de mots. Puis elle, en fait, elle avance sur le beat, puis c'est vraiment un all-around, là, tu sais... Elle est très bonne dans n'importe quoi. Les ennemis, ils se tuent en pilant sur les mauvaises cases? Non, les ennemis, en fait, là, eux autres, ils ont des patterns. Puis toi, il faut que tu apprennes ces patterns-là. Comme, admettons, là, j'ai un blob bleu. Ouais. Ben lui, il suit le beat, fait comme tac, tac, descend. Tac, tac, remonte. Tac, tac, descend. Okay. Fait que toi, tu suis ce pattern-là. Si toi, tu tasses dessus pendant que lui, il monte, ben, tu perds un cœur. Ouais. C'est ça, faut que tu times tes affaires avec chaque ennemi. Puis il y a même un almanach dans le jeu qui te permet de savoir justement chaque ennemi, comment les battre. Il y a aussi un lobby dans lequel tu peux acheter d'autres armes qui vont être permanentes ou acheter des trucs qui vont rester, qui vont être dans les coffres durant tes tableaux, fait que tu as plus de chances de les trouver. Il y a de la magie, il y a toutes sortes de choses à débarrer. Puis évidemment, c'est un rogue, fait que plus tu joues, plus tu découvres d'affaires, plus tes personnages deviennent plus puissants. Puis c'est un jeu qui en donne énormément. Moi, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, ça ruine un peu ma vie de famille parce que tu commences ça puis t'es plus capable d'arrêter vraiment. Là. C'est le genre de jeu que une game, c'est pas assez parce que justement, tu crèves, tu recommences, tu crèves, tu recommences. Il n'y a pas de loading, pas en tout. Puis c'est vraiment addictif à cause de la musique puis à cause que ton tableau, il est jamais pareil puis que les ennemis sont si... varié, tu sais, d'habitude dans un jeu, tu retrouves tout le temps les mêmes affaires, tu as tout le temps l'impression d'être à la même place. Là, c'est vraiment puissant parce qu'il y a plusieurs choses qui font de ce jeu-là un bon jeu. Les batailles de boss sont cool, les batailles avec les ennemis sont cool, les armes sont super le fun à débarrer. Il y a du bon beat, il y a du digging, chose que j'aime beaucoup, moi, dans les jeux, c'est comme un style que je commence à apprécier de plus en plus. C'est un RPG dans un sens parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Tu as même des magasins où tu peux acheter des trucs, il y a des passages secrets. Il y a une tonne de choses à découvrir, puis il y a une tonne de choses à débarrer, de modes à débarrer, de personnages à débarrer. Fait que c'est vraiment un excellent jeu. Je dirais que la seule affaire que j'aurais aimé, c'est un mode co-op, parce que j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment cool de pouvoir jouer à deux. En coop, imagine. Oh, ouais, ça serait fucké, mais... Les deux à sauter partout, là. Ouais. Mais, tu sais, je regarde, ça a l'air super hypnotique comme jeu, tu sais. Je le regarde, là, puis je suis incapable d'arrêter de regarder ça. Je peux comprendre comment tu peux pas arrêter de jouer à ça, là, tu sais, c'est... Ben, c'est qu'en fait, tu sais, comme là, on voit les dalles qui bougent avec la couleur et tout ça. Ça, c'est quand t'es à ton pic. Quand tes affaires vont vraiment bien, le sol commence à s'illuminer, puis il se passe de quoi. Mais sinon, le sol est bien normal. Puis sérieusement, t'es tellement concentré sur ce que tu fais. T'as le droit à l'erreur. Si tu manques une affaire, ton multiplicateur de points va arrêter, c'est tout. Okay. Fait que c'est ça. Sauf que, comme j'ai dit, c'est un jeu, là, tu vas embarquer dedans, tu vas faire une partie, tu vas être poche, tu vas continuer, mais tu vas être vraiment meilleur plus rapidement. Évidemment, il faut avoir du beat. T'sais. Si t'aimes pas les jeux de rythme, dans un sens, t'aimeras pas vraiment ça. Parce que c'est vraiment basé sur le rythme. C'est super important d'avoir le beat. Puis c'est ça. Moi, j'ai adoré ce jeu-là. Ça va être un de mes meilleurs jeux de l'année. Je lui donne un 4.5 sur 5. Oh, wow. C'est un méga must. Là. Moi, je suis plus capable de me passer de ça. Ça coûte cher, ça, cette cassette-là? Ça coûte 10$, cette cassette-là. Quand même, hein? Ça se finit-tu? Ben, moi, je vois pas le bout, là. Ouais, ça doit faire 50 heures que je mets dedans, puis je suis pas, j'ai pas fini, là. 50 heures. Ah non, ça fait vraiment souvent là, que je joue, là. Mais tu as encore du contenu à débarrer. Je joue des sessions de 2-3 heures, là. C'est ça, t'as-tu du contenu nouveau que tu débarres? Les tunes, est-ce que c'est pas les mêmes? Non, les tunes changent, puis les niveaux se débarrent aussi, parce que si tu fais ton tableau, admettons, tu fais le premier monde, mais que tu finis que tu bats pas le boss parce que t'as plus d'énergie, ben tu recommences au début de tout ça, t'as plus tes armes, fait que là, faut que tu recommences, tu recommences, tu sais. Fait que c'est ce côté-là fait que tu recommences souvent. Le fait que ça soit aléatoire, ben t'as pas tout le temps les mêmes boss. Même si tu fais le premier monde, le boss du premier monde n'est pas nécessairement le même que ta dernière game. Okay. Fait que tu sais, tout change tout le temps. Fait que t'as tout le temps du stock à découvrir sans arrêt, là. Je vois pas le bout, sérieux. Non. Nice. C'est vraiment un bel investissement. Il y avait pas mal de hype, en fait, ce jeu-là. Il y avait pas vraiment de hype. Non, je sais que sur PC, sur Steam, il y a beaucoup de monde qui l'a acheté et qui trippe. Oui, c'est ça. C'est ça, pas Vita, en fait, mais moi, j'avais vu PC. Là, c'était vraiment, là, en tout cas, la communauté Steam. Ouais, le monde trippe vraiment beaucoup. Là. Ils ont bien apprécié. Là, fait que, mais je suis content. Ça a l'air d'un beau titre pour la Vita. Moi, avec, elle a tué la poussière là, chez nous. Ah, puis il y a une autre affaire que je veux mentionner très rapidement. Il est cross-buy et cross-save. Fait que quand tu... Aussi facile que ça, toutes les fois que le jeu sauve, il sauve une partie sur le cloud. Fait que toi, tu t'en vas sur ta PS4, tu continues ta partie. Après ça, tu retournes dans ton lit, tu joues sur ta Vita, tu t'en vas dans l'autobus, ben tu reloads ta game, puis c'est fait. Ça, c'est génial. Cool. That's it. Nice. All right. Ben moi, je vais enchaîner avec l'excellent Ninja Senki DX de nos amis Tribute Games. Ninja Senki, en fait, est le premier jeu que Jonathan Lavigne, fondateur de Tribute, a fait à l'époque. Il a développé ça tout seul chez eux. Et puis, c'est Patrice Bourgeot qui avait fait le soundtrack aussi à l'origine. Patrice, que les gens connaissent, ceux qui écoutent notre podcast depuis un bout, puis qui fait tous les soundtracks de tous les jeux de Tribute, sauf Wizard, qui a fait. Et puis, c'est ça, ça a été un jeu qu'il a fait et qu'il a mis gratuit sur PC à l'origine, comme une carte de visite un peu. Ouais, puis je me rappelle pas dans quel Comic-Con ou whatever qui s'était fait un boot, puis il avait imprimé des CD et puis il s'était fait une petite pochette, là, vraiment le fun, avec des illustrations et tout, puis il avait distribué ça. Donc, moi, j'ai connu Senki à l'origine comme ça, parce que Patrice travaillait dessus aussi, ça fait vraiment longtemps. Là. Ah ouais. Et puis, j'avais jamais joué. Puis ça, jamais joué à ce jeu-là, parce que j'ai pas de PC pour jouer. Oui, c'est ça. C'est vraiment mon problème. Et puis là, le DX, dans le fond, moi, c'est drôle, je trouve, ça fait comme un rappel au Game Boy, tu sais, Link's Awakening DX, tu sais. Puis je sais que c'est là qu'il est allé chercher son inspiration. J'ai finalement pu jouer à ça, parce que c'est disponible sur Vita, Steam et PS4. Donc, ce jeu-là, l'inspiration, c'est directement Mega Man. Et puis, au niveau du look et de l'ambiance, de certaines scènes, comme quand tu commences un niveau, tout ça. C'est un jeu de Kung Fu qui a sur les cassettes de 260 and One. Là, j'ai oublié le nom. Ouais. Pas Kung Fu Master, là, le jeu de combat, mais l'autre. The Legend là, qui... of the Cage? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai oublié le nom, mais c'est très japonais. Là, puis c'est un genre plus un platformer avec des niveaux un peu comme City Connection. Ouais. Donc, vous allez reconnaître. Avec les petites portes, là, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est des petites portes partout. Ouais. Et quand tu commences un niveau, c'est tout bleu, t'as ton bonhomme. Ouais. Et là, t'as l'écriture qui clignote. Là, ouais, là c'est pareil là-dedans quand tu y vas. Donc, c'est ça. Ça, c'est un pur platformer d'un petit ninja qui se fait buter sa blonde par le méchant ninja blanc. Et puis, t'as plein de niveaux. T'en as genre... t'as quatre mondes divisés en trois sections. Et puis, tu sais, c'est basic, là. Mettons, au début, c'est il y a les montagnes, la forêt de bambou, la ville, la caverne. Et puis, Patrice avait fait des soundtracks adaptés à chaque ambiance aussi à l'origine. Dans le monde, là, mettons, on voit ici à l'écran, c'est le monde de la forêt. Vous voyez comment est-ce que les éléments ressemblent au niveau de Woodman, tu sais, le brun, puis les plateformes, la genre de texture chocolat là, entre les plateformes. Donc, c'est très, très, très inspiré de Megaman. Puis, c'est très rapide hein, comme platformer, ça va très vite. Ton personnage, il tire des shurikens, tout comme Megaman tire des busters, des Mega Busters. Oui. Ben, c'est ça. Mega Buster, c'est l'arme. Mega Buster, c'est l'arme. C'est ça. Comme il tire des picots, là. Des pellets. Du plasma. C'est ça. Picots. Puis, Tu sais, des picots. Puis, d'ailleurs, l'armée américaine travaille là-dessus. Oh, ouais. Développement des picots. Pico weapon. Puis, à Ninja Senki, tu sais, des gros shurikens, t'en as à volonté. Par contre, t'as pas d'autres armes, c'est juste ça. Okay. T'as un double jump, et puis c'est juste ça aussi. Moi, j'ai comme eu un fantasme en jouant à ça. Le double jump, il se fait comme... Normalement, tu pèses, puis il ressaute une autre fois. Il fait juste comme clic, popper dans les airs. J'aimerais ça qu'il fasse un flip ça, sur le deuxième jump. Ah, ça, moi, oui. Ça aurait tellement fité. Oui. J'ai dit, dans ton prochain, il faut que tu fasses ça. Ah, puis c'est cute quand même, les shurikens, quand tu les lances sur le mur, ils plantent. Ils plantent, puis ils disparaissent. Ouais. Puis les explosions sont bien faites aussi. Le son, la musique, c'est très crisp. Là. C'est sharp. Moi, puis, un de mes meilleurs détails par rapport à Megaman, c'est que quand tu crèves... T'entends, la musique arrête, puis t'entends encore ton ennemi qui est comme. Ouais. Tu sais, pareil comme dans Megaman, c'est vraiment les petits détails là, que là-dedans sont écœurants. Puis, c'est ça, au début, il faut s'adapter un peu. Le jump, je trouve qu'on saute pas haut, tu sais. Ouais. Ça m'a comme bugué un peu au début, mais j'ai tellement comme pris le beat rapidement que ça n'a pas été un problème. Sautes-tu haut, toi? Non. Mais, les ninjas devraient sauter haut, pourtant. Alors, lui, il n'y a pas de jambes. Ouais, c'est pauvre ça. Pauvre Pit. Puis, il y a juste pas de pantalon, c'est différent. On ramasse des scènes aussi dans les niveaux, si ça vous tente. On en voit plein à l'écran présentement. Comme un compteur à côté. Il appelle ça des koban. Ça, en fait, ça sert juste à comme réussir des challenges. Là. Mais c'est ça qui t'en donne de la life, c'est pas ça? Non, t'as rien qui te donne de la life. Ah, des fois... Non, t'as de quoi qui te donne de la life? Oui, c'est vrai, des fois, il y a comme un truc... je sais pas pourquoi, à un moment donné, tu gagnes la life. Je sais pas c'est quoi la proportion de Koban que tu ramasses pour que la life, elle apparaisse. Mais quand tu meurs, elle réapparaît toujours à la même place. Fait que, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est weird. Ben, j'arrivais pas à savoir comment ça que des fois, je retrouvais ma life. Je me disais, j'ai-tu pogné un item ou quelque chose? Ah, c'est ça, moi non plus, tu sais. Puis bon, t'as du temps aussi, puis le temps, donc finir le niveau rapidement. Et aussi, t'as le nombre d'ennemis. Donc, finir, tuer tout le nombre d'ennemis, tu vas ramasser comme une patch à la fin du niveau, que ça, tu vas avoir la patch assassin. Si tu ramasses toutes les cobans, tu vas avoir la patch collector. Et puis, si tu réussis à speedrunner, t'as un autre patch, là, j'ai oublié le nom, mais c'est ça, faut que tu le fasses en temps rapide. Donc ça, tu fais ça quand t'as fini le jeu, tu sais, pour t'essayer, tu choisis ta section, puis tu y vas fort. Laissez-moi vous dire que la section speedrun, c'est tough en tabarnak. Faut vraiment, là, que ça soit, c'est mathématique, là, tu sais, comme, tu jumpes à la bonne place, puis tu tues pas ce gars-là, puis tu sais, bon... Fait que c'est ça, c'est un jeu qui a été qualifié de dur, mais moi je trouve que ça se fait très bien. T'es bon en tabarnouche, man, parce que moi je l'ai vraiment trouvé dur. Là. Ah oui, pour vrai? Oh, et je joue encore. J'ai passé au travers de ça, man, assez facilement. La seule place que j'ai rushé, c'est au boss de fin. Ça m'a pris un petit bout avant de catcher son pattern, okay. Mais il est pas trop pire. Je rush avec le saut, en fait. Ouais? Je trouve ça vraiment tough, puis ça m'arrive souvent, genre de... Justement, au début, la passe que tu sautes sur l'eau, t'as tout le temps l'ennemi qui est à bonne place. Là. Quand tu joues, tu le sais. Moi, là, je connais la démarche de Jonathan comme parce que je connais son background. Puis dans ce jeu-là, je me dis, quand je vais sauter au bord de cette plateforme-là, c'est clair qu'il va y avoir une grenouille qui va m'arriver dans la face. Fait que je tire des shurikens en sautant pour prévenir. Puis, tu sais, exact. Là, le gars, il sait. Le level design, il est impeccable. Ouais, il est vraiment impeccable. Le gars, il a beaucoup travaillé là-dessus. Puis ça va tout vous rappeler comment est-ce que les jeux de NES sont construits. Ouais. Il t'envoie de la merde, tu sais, précisément, t'as pour te faire chier. Puis, à un moment donné, c'est juste gratuit. T'as une longue plateforme avec des ennemis. Tu tires au travers. Ça, c'est comme satisfaisant. Ouais. C'est pour te donner un petit boost. Ben, direct au début, ça commence. L'autre pitche des boules, puis à la place, ça soit des boules qui s'en vont en ligne droite. Ils s'en viennent te chercher. Ouais, ils viennent te chercher. Ouais, ça, c'est sacrement, c'est un ennemi, ça. De commencer. Il est pas agréable, cet ennemi-là. Mais, oh fuck, déjà, man. Ah ouais? Fait que. T'as pas entendu la scène tantôt? Oui, j'avais entendu la scène, mais c'est allé pas mal, vite. Fait que il y a genre 5 niveaux, comme je disais, c'est pas trop long. La seule chose que je peux reprocher à ce jeu-là, moi, ce jeu-là est totalement mon genre. Fait que ma note va aller en conséquence, là. Mais si je peux reprocher quelque chose, c'est que ça aurait pu être un peu plus beefy, tu sais. Il aurait pu avoir 8 niveaux qu'on choisit comme Mega Man. Puis il y a des boss qui se répètent aussi. Il y en a des beaux, mais il y en a une, c'est le genre de statue qui se répète. C'est un peu plate. Mais tu sais, je comprends que le gars, il a fait ça tout seul au départ. Ouais, c'était le début, c'est un exercice qu'il a fait. Puis là, c'est comme un remake propre de son exercice. Donc, tu sais, j'y pardonne, là, parce que le but, tu sais, c'était juste. C'est ça, là. C'est un remake d'un effort qu'il a fait. Donc, moi, je donne la note de 4 à ce jeu-là. Un 4 bien senti, tu sais. Bien mérité. Bien mérité. C'est un jeu très, très, très, très, très bien fait pour les amateurs de platforming là, puis de Mega Man. Ça vous le prend absolument. Découragez-vous pas. Il est juste 5$. Il est juste 5$. Puis même quand tu le finis, moi, je l'ai fini comme à maintes reprises parce que j'ai essayé de le finir. Après ça, je l'ai fini en hardcore. Je me suis rendu compte que ça donne rien. Parce que c'est juste qu'il n'y a pas de continu. Puis quand tu prends un continu, tu perds des points. Fait que ça scrape. Puis t'as 3 fins aussi, je voulais juste le dire. Ah ouais? Ça marche avec le pointage. Okay. Moi, j'ai demandé à Jonathan, je suis comme, Chris, comment je fais pour avoir la bonne fin? Fait qu'il faut que tu ailles vite, parce que tu as des points quand tu finis le niveau, tu sais, quand il te reste du temps. Puis faut que tu tues le plus de monde possible. Fait que c'est ça. Plus que tu as de points, plus tu vas avoir la meilleure fin. Fait que j'ai tout fait ça, puis j'ai adoré ça, puis je le ferai encore. Puis je demande une version plus grosse, plus complète. J'espère juste que le jeu va beaucoup vendre, puis ça va l'encourager à en faire un autre, là, plus complet. Fait que voilà, c'est un must à mon avis. C'est un beau nom, en j'ai adoré ça. Ouais. Ninja Sinky. Ouais, c'est cool, hein? Ouais. Alright. Voilà. C'est là, qui le prochain? Nick, je pense. C'est Ben, en c'est fait. Ben, c'est moi. C'est Ben. Pacing officiel. Oui. Oui, monsieur. Donc, d'ailleurs, je tiens à remercier M. Ramos d'avoir tenu le fort pour ce qui est du slow gaming. On continue avec le slow gaming. Donc, en fait, et puis, Dominique, tu vas probablement l'aimer, ce jeu-là. Oui, oui, c'est ça. J'ai hâte que tu m'en parles. C'est en fait, c'est la compagnie Kairosoft. C'est eux qui avaient fait Game Dev Story. Et exact. Donc, c'est Mega Mall Story. Bon. iOS, Android, sorti en 2011, donc c'est pas vraiment du rétro, ouais. Là, mais ça fait quand même quelques années déjà. 5 ans. Ouais, ouais, ça va vite. Quand même. Et donc, ce jeu-là, grosso modo, vous êtes propriétaire ou gestionnaire, si vous voulez, d'une tour dans laquelle vous allez mettre des commerces. Donc, vous allez développer des commerces. Donc, c'est vraiment un jeu de simulation classique là, où vous... OK, je mets un commerce à telle place, je mets... des plantes à telle place pour améliorer que ça a l'air. Tel commerce à côté de tel commerce, ça va augmenter la valeur des deux commerces parce que ça va bien ensemble. Ouais. Par exemple, si tu mets, je sais pas moi, une boulangerie à côté d'un café, ah, là, ça fit. Fait que là, tu vas avoir plus de la qualité de produit ou en fait, comment ton produit va être diversifié ou comment il va se vendre, va mieux se vendre parce que finalement, il est à côté de quelque chose qui est en temps aussi. Fait que ça fait en sorte que on est devant un jeu qui est quand même assez intéressant et qui ouvre beaucoup, beaucoup de possibilités. On est vraiment dans le même type de graphisme là, que... Oui, c'est pareil. Hein? C'est la même chose. Puis d'ailleurs, Kairosoft, on en fait vraiment beaucoup là, des jeux de ce genre-là. Là, et c'est tout le même type de graphisme. Là. C'est vraiment... Ils ne changeront pas. Non. C'est ça. Puis je pense, tu sais, je trouve ça cute, honnêtement. Là, ça aussi. Fonctionne très bien. Aussi. Ça, ce genre de jeu-là, en plus, celui-là, ce que je trouve particulièrement intéressant, tu sais, Game Dev Story, tous ces jeux-là, c'est que c'est des jeux que ça joue à demain. Ouais. Ton téléphone, là, t'es dans l'autobus, tu te tiens, là, puis il n'y a pas de problème, là, tu contrôles tout ce qui se passe. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, tu sais, il y a différents commerces déjà avec lesquels on part. Puis là, en fonction de ces commerces-là, il y a des gens qui vont venir dans votre centre commercial. Puis là, le but, ça va être d'attirer certains clients. Il y a des clients spéciaux qui vont vous apporter des choses, qui vont évidemment dépenser plus. Là, ça fait en sorte que vous pouvez développer d'autres choses. Puis, en fait, il y a des magasins qui deviennent... vous allez débloquer des magasins au fur et à mesure que vous avancez. Puis, il y a des magasins qui sont extrêmement difficiles à débloquer. Ça vous prend, par exemple, OK, ben il faut que tu aies mis 3 magasins de tel type, un à côté de l'autre, puis que t'aies tel client qui soit venu, etc. Fait qu'il y a comme toute une série de combinaisons à arriver à faire. Ouais. Puis bon, il y a tout le côté aussi gestion, design qui est intéressant. Donc, tu peux par exemple décider, OK, bon, ben comment je vais mettre mes escaliers, mon ascenseur. Ça se place pas automatiquement. Ben non, c'est ça. T'as des éléments que tu vas pouvoir placer... tout dépendant là, comment tu veux construire. Fait que si ton café est au deuxième, ta boulangerie est au troisième, ouais, là t'es au-dessus, t'es mieux de mettre un escalier. C'est ça, tu sais, puis peut-être que ça va même être plus pertinent de jouer avec tes commerces puis dire, OK, je vais mettre ma boulangerie à côté de mon café. Fait qu'il y a tout ça, tu sais, au fur et à mesure que tu te développes, tu te rends compte que, OK, ouais, mais ça, je veux optimiser ça, fait qu'il faut que tu changes tes trucs de place. Puis évidemment, mais ça te coûte de l'argent, fait que ça fait en sorte que, tu sais, ça te maintient un peu on the edge, puis chaque commerce, tu peux débloquer des choses. Donc, par exemple, plus tu vends, à un moment donné, il va dire, ah, gars, moi, je suis capable de débloquer... bon, tu vois, par exemple, encore, je reprends la boulangerie. Ben, tu sais, au début, il va juste avoir des baguettes, mais il va avoir des croissants, il va avoir... Fait que là, au fur et à mesure que tu avances, il va y avoir une diversité de produits qui vont être offerts. Puis là, fait que tu peux faire un petit peu de micromanagement à l'intérieur de ces commerces-là. Là. Mmh. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas... Ça révolutionne pas, là. Y a déjà des jeux dans le genre qui ont existé. Mais c'est efficace. Ça marche. Là, je vois l'écran qui fait comme pas beau dehors. Est-ce que quand il fait pas beau dehors, il y a plus de monde qui vient ben, de magasiner? Ben, tu vois, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, tout dépendant comment tu organises ton mall, tu peux faire... Ben oui, tu mets un arrêt d'autobus à côté. C'est ça. Donc, tu peux... Ça va faire en sorte que les gens vont venir même s'il fait pas beau. À un moment donné, t'as la possibilité de mettre un métro, genre. Fait que si t'as ça, là, encore une fois, la température va encore moins jouer. Puis là, t'as des mâles concurrents, évidemment, qui eux autres vont dire, OK, ben regarde, nous, on a fait tel truc. À la fin, tu peux même avoir un hélipad sur le toit. Ouais, c'est... J'allais le dire en joke. OK. Là, tu sais, là, c'est le fun. On voit les escaliers roulants, mais là, ils disent, OK, ouais, mais tu sais, avoir un ascenseur, ça fait en sorte que les gens, tu sais, sont pas obligés de passer par tous les escaliers pour aller. Parce que là, tu montes, tu peux monter, je pense qu'à 8 étages, chose comme ça, là, voire plus. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, il y a beaucoup de stock qui se passe, puis tu sais, tu veux améliorer l'expérience de tes consommateurs en e-mail, tu vas vouloir, c'est ça, offrir ces produits-là. Tu sais, puis il y a des trucs super intéressants, tu sais, tu as un cinéma, là, tu peux décider le genre de film qu'il y a là-dedans, puis bon. C'est bien cute, ça fonctionne bien. Le seul hic, je vous dirais, tu sais, Game Dev Story, il y a quand même une profondeur liée au fait que, tu sais, tu peux acheter des nouvelles consoles, tu peux même penser développer ta console, ouais. Tu sais, tes employés, tes gères, tu sais, puis là, ils ont des pouvoirs, etc. Ça, t'as moins ça là-dedans. Okay. Fait que c'est plus, tu sais, les commerces en tant que tels qui vont déployer des choses, mais c'est moins... Je trouve que au niveau de la profondeur, ça, c'est moins présent. Okay. Fait que, tu sais, Kairosoft, je les ai pas mal tout essayé, leur jeu. Là. Game Dev Story demeure le meilleur, à mon avis, mais ouais, c'est un des très bons, c'est un que j'aime particulièrement. Comme je vous dis, très bien demain. Là. Y a-tu de l'humour un peu dedans, ouais, avec des noms weird? Mais moins que Game Dev Story aussi. Ouais. Tu vois, c'est ça. Tu sais, c'est quand même. Ouais. Tu sais, il n'y a pas cette magie-là. Tu sais, les grands noms des technologies, tu sais, Jack Kirby, il n'y a pas ça. Là, fait. Il devait avoir peur d'imiter des noms de grands magasins. Probablement, tu sais, Walmart, puis Starbucks. C'est moins drôle aussi. Ouais, ben c'est ça. C'est intéressant que tu dis ça. Moi, j'ai joué à ce jeu-là tout de suite après Game Dev Story. J'avais trippé Game Dev Story, puis j'ai trouvé ça super bon, mais... Exactement, c'était comme un petit peu moins bon que Game Dev Story, tu sais, puis moi je venais juste de le finir, puis là je me dis, bah ça ressemble beaucoup, là, mais c'est intéressant, c'est bien fait, c'est une frénésie, tu sais, je te dirais, dans le genre, j'avais préféré, mettons, Tiny Towers, en ouais, fait, là, ouais, ouais. Mais c'était quand même un beau jeu, c'était bien fait, là, Mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'il est un peu moins bon que Game Dev Story, en fait. Ouais. Puis, tu sais, ben, par rapport à Tiny Tower, c'est, il est pas mal dans la même époque, d'ailleurs. Ouais. Là, fait que c'était un des concurrents. Mais effectivement, il est moins... C'est ça, il y a cette magie-là qui n'est pas là. Ouais. La mécanique, par contre, c'est ça. C'est eux ce qu'ils ont développé, c'est une mécanique, ça fonctionne. Ouais, ça, ouais. C'est un jeu super efficace. Ouais, ouais. Que tu as dit à une main, là, ça joue extrêmement bien. La complexité pour être capable d'upgrader tes commerces, tout est là. Là fait que... Puis la frénésie, c'est ça. C'est la volonté de toujours débloquer quelque chose. Ouais, ça, ouais. Ça, c'est très précis. Ouais, ça, c'est la drogue là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Fait que, écoutez, bon jeu. Je lui donne un 4. Donc, ouais. C'est... Lancez-vous là-dedans, c'est pas un problème. Ça révolutionne pas le genre, ça sera pas... ça sera assurément pas un jeu de l'année. Si vous avez pas joué à Game Dev Story, jouez à Game Dev Story avant ça. Si vous l'avez fait, vous allez l'aimer. Bon passe-temps. Beaucoup, beaucoup de points forts, mais c'est ça. Pas de magie. Tu souviens-tu comment ça coûte? Écoute, moi je pense que je l'avais payé 2,99. Il vient souvent spécial, fait que regarde ça. Là, okay. Fait, ça me donne le goût pareil. J'ai envie de l'essayer. Non, tu sais. Oh, c'est aimé Game Dev Story. Là, c'est... Ouais. Puis les graphismes sont là. Puis, c'est ta secrétaire qui parle. Ouais, ouais, c'est le même genre. Là, c'est vraiment c'est un beau jeu. Là. Alright. C'est à toi, Nick. Ouais, c'est ça. Fait que moi je profite du passage de Ben pour faire. Une critique de Slow Gaming. Merci, merci. Alors, en fait, c'est intéressant l'histoire de ce jeu-là. Moi, je vais vous parler de Punch Club. Fait que Punch Club, en fait, ça a été développé par Lazy Bear Games et ça a été publié par Tiny Build. Tiny Build Games. Grosso modo, c'est le fun parce que on parle de slow gaming. Moi, je pensais pas que c'était un jeu de slow gaming au début, tu sais. J'ai regardé l'impression. C'est pour ça. Mais non, mais toutes les... Tout a été monté pour que ça a l'air d'un genre de d'RPG fighting, tu sais. OK. Fait que là, moi, quand je l'ai acheté, ce jeu-là, c'était 10$ sur Steam. J'ai acheté la version PC. C'est disponible PC, iOS et Android. Puis là, je me suis dit, aïe, ça va être malade, tu sais. Puis là, je regarde ça, puis ça... Selon le trailer, la façon dont a été monté, ça ressemble un peu à un Double Dragon. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à peut-être un petit élément de Teenage Mutant Ninja Turtle, le fighting game. Ouais. Il y a toutes sortes d'affaires là, de vieux rétro. Là, tu te dis, wow, man, je vais jouer à ça, ça va être incroyable. Fait que là, je commence à jouer, tu sais, puis ça correspond absolument pas à mes attentes de ce que j'imaginais que le jeu était. Au début, ça commence super classique, comme genre, tu sais, t'es un enfant, t'as un frère, tu t'entraînes. Ton frère, c'est comme. Ton père, c'est comme un champion, tu sais, de la boxe, un peu underground. Là, il se fait tuer, tu sais. Fait que là, à un moment donné. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu, ça rappelle un peu Batman, tu sais. Ouais. À un moment donné, il y a un gars qui te prend sous son aile, tu sais, puis il dit ben, on va faire un homme de toi si tu veux, tu sais. Fait que là, après ça, tu sais, il y a un gros flashback dans le temps. Là, c'est le début du jeu, justement. Là, tu te réveilles, tu sais, t'es d'un appart, tu sais, puis là, t'as comme un wake-up call, là, puis là, tu peux faire des réponses en fonction de ce comment tu files, tu sais. Il y a quelques choix comme ça dans le jeu. Fait qu'il y a des éléments de RPG. Mais véritablement, c'est un jeu de simulation de type Tycoon. Ouais. Fait que, ah ouais. Tu sais, c'est ça, là, à un moment donné. C'est drôle que mon neveu m'a montré ce jeu-là dimanche. Ouais. Mon neveu, genre de 13 ans. Ouais. Tu sais. Il dit, hey, regarde, là, c'est comme Fight Club. Ben, tu sais, exact. Là, je suis comme, ouais, ça va se taper sa gueule. Là, il me dit, ouais, là, tu fais ci. Là, tu vas au magasin. Là, tu vas voir une exact. Fille. Exact. Arnaque. Ça m'intéresse pas. Ben, c'est... ben, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, genre, moi, au début, là, tu sais, véritablement, là, j'ai joué puis j'ai pas vraiment aimé ça. Puis. C'est pas que c'était pas un bon jeu, c'est que j'étais pas prêt à ça. Je m'attendais à vraiment autre chose. Il a comme été vendu différemment. Là, après ça, j'ai pris une petite pause. J'ai dit, bon, on va lui donner la chance. Il est quand même bien fait. Là, j'ai continué à jouer. Puis, c'est un jeu qui offre quand même pas mal de profondeur, en fait. Mais c'est vraiment un sim tycoon. T'sais. Allez pas là-dedans en pensant là, que ça va être un jeu d'action. Là. Absolument pas. T'sais. C'est même on pas regarde... toi qui paye ses pitons pour ça. Non, c'est ça. Les mécaniques de combat, je vais commencer par vous parler de ça. En fait, les combats, c'est vraiment round par round. On est en mode spectateur, puis on regarde notre personnage se battre. On fait des choix d'habileté que lui va pouvoir utiliser. Il y a souvent une habileté offensive, défensive. Fait qu'il y a des kicks, des punches, des blocs, des dodges, des super kicks. Donc, mais on regarde le personnage se battre. Tout ce qu'on peut faire, c'est entre les rounds, si le personnage n'a pas été KO, ben en fait, on va être en mesure de faire des ajustements de nos stats. T'sais. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est... Wow, t'as même des graphiques! C'est ça. Ah, tout à fait. Là, t'as des... C'est mon genre de jeu. T'as des stats, en fait, de ton combat. T'sais. Puis, c'est intéressant parce qu'en fonction de ta première bataille que tu vas faire, ça, c'est un spoiler alert, là, faites attention. Je vous le dis, mais ça ne change rien dans le jeu. Vous allez perdre. Okay. Puis là, vous allez avoir une réponse à donner au vieux bonhomme qui est à l'écran, tu sais, qui est votre coach. Puis, cette réponse-là, elle a l'air naïve, tu sais, mais elle est super importante. Elle va définir okay. vos stats, en fait. Fait que là, dans le fond, tu pourrais dire, genre, « Ouais, j'aurais dû me battre » ou « Ouais, j'aurais dû me sauver » ou « Ouais, j'aurais dû peut-être me rendre » ou, tu sais, genre... Puis ça, ça va définir si vous êtes un personnage qui va être fort, un personnage qui va être agile ou un personnage qui va être endurant. Okay. Mais tu sais, tu sais pas pantoute que moi, j'avais pas regardé de fac avant de commencer à ça. Fait que là, là ça commence, puis c'est ça. Mick, on s'entend, là, grosse référence à Rocky. Ouais. Ce jeu-là, là, c'est un bijou de référence. Non seulement les graphiques sont vraiment, vraiment superbes, très, très... C'est ouais, un hybride dans du Super NES puis du PC 16 bits, tu sais. Ouais. Là, on voit un petit peu... La map, là, a fait... Ouais, là, un petit peu de SimCity. Ouais, ou Populous. Tu sais, il y a vraiment... Écoute, ils ont pensé à moi. Je pense qu'on a pas beaucoup sur ce jeu-là, Ben. Fait que là, tu sais, en fait, il y a des choix à faire au niveau de tes habiletés de combat, tu sais. Tu as trois pattes que tu peux prendre en fonction de tes statistiques, tu sais. Tu as le mode ours, qui est comme la force, va être vraiment ta force de frappe. Tu as le mode tigre, qui est comme l'agilité. Puis, tu as le mode tortue, qui est comme le stamina, dans un sens, la défense. Fait que là, ça va être... Il y a des arbres, dans le fond, de choix qu'on va faire au niveau de tes aptitudes. Ça, c'est assez intéressant. C'est assez profond aussi. Par contre, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est un jeu tycoon. Fait que c'est du micromanagement de ressources. À l'écran, on voit ça, tu sais. Puis, bon, dans le fond, tu dois manager ton temps parce que les journées finissent, tu sais, puis t'as quelque chose que tu dois accomplir. T'as de l'argent, de la santé, l'humeur, faim, fatigue. Fait que tu dois tout le temps aller, tu dois balancer... Comme un Sims, mais c'est ça, exactement. Fait que tu dois aller travailler pour gagner de l'argent, pour manger, pour t'entraîner, pour faire des combats. Pour faire de la coke, pour faire plus d'argent. Écoute, tu peux prendre des substances illicites là-dedans pour booster tes stats, là, tu sais. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est là. Fait que, tu sais, il y a ça qui est là. Ça, cet aspect-là, je pense que c'est l'aspect que j'ai trouvé le moins intéressant du jeu. Tu vas grinder en tabarnouche dans ce jeu-là. Parce que ton entraînement, tu sais, tu vas essayer de monter tes stats principales, que j'ai dit, la force, l'agilité, la résidence. Ouais, c'est une référence aux Simpsons. Le gars qui a le dépanneur, il s'appelle Apu. Là-dessus, là, t'as tellement de références incroyables, tu sais. Quand chez vous, ta van, c'est la van des A-Team. Dans ton garage, t'as Bloodsport, un poster. Ah, il y a des références à Mortal Kombat, à Street Fighter, à Teenage Mutant Ninja Turtle. Il y a plein de références. C'est vraiment intéressant. Vous avez grandi dans les années 80-90. Là, ce jeu-là, il y a votre nom écrit dessus là, partout. Mais l'affaire que je vais revenir juste au grinding, c'est que tes stats, ils dégradent dans la journée. Puis t'as besoin d'augmenter tes stats pour aller faire tes combats. Les combats sont... Oui, tu as des habiletés là-dedans, puis un petit peu de stratégie, mais c'est surtout tes stats. T'sais, tu vas battre un ennemi. Si toi, tu es 3-3-3, puis lui, il est 5-5-5, tu n'as aucune chance de gagner. Là. C'est comme perdu d'avance. Ça, c'est un petit peu décevant, je trouve, parce que tu es tout le temps en train de t'entraîner, manger, aller travailler. Fait que c'est énormément de management, mais pas nécessairement du bon façon. De grinding, tu vas aller faire des push-ups, tu vas aller lever des poids. Fait que ça, c'est un petit peu moins intéressant. Il y a l'élément RPG, l'histoire est bonne parce que tu dois retrouver le gars qui a assassiné ton père. C'est l'homme en noir. Fait que ça a une trame de fond. Puis il y a quand même un niveau de branche dans l'histoire que tu peux aller faire. T'sais. Tu peux décider de pas tout faire. C'est intéressant. Est-ce que ton personnage vieillit? Non, ton personnage, je ne vais pas, mais tu sais, tu as un nombre de semaines ou de temps X pour essayer de le finir. Il y a quand même une limite, là. Mais il n'y a pas de limite, mais tu peux prendre moins de temps ou plus de temps, tu sais. Fait que c'est que pas. Tu vieillis pas vraiment, mais tu t'améliores au niveau de tes skills. Okay. C'est vraiment. Okay. Là, c'est ça la profondeur, c'est que tu peux investir. Tu peux décider de mettre toute ta force dans un style qui est basé sur ta stats principale. C'est probablement la meilleure stratégie, tu sais. Si tu veux aller. Tu peux pas maximiser toutes tes stats. Donc, c'est assez stratégique au niveau de tes choix. L'histoire est bonne. Il y a vraiment beaucoup d'humour là-dedans. Mais tu sais, je dirais, l'aspect grinding, il est un petit peu de trop. Puis les combats qui sont en mode passif, moi, j'aurais aimé être capable de skipper ou aller plus vite. Mais tu es obligé de regarder. C'est une vitesse acceptable, mais j'aurais pu passer plus vite. Là. Je comprends les choix du design qui ont été faits, puis ça fait beaucoup de sens. Mais juste d'accélérer cette portion-là, ça aurait été beaucoup mieux. Tu as donné le choix de la simuler ou la faire. Exactement. T'sais. Fait que à cause de ces éléments-là, la musique, elle est très bonne, mais elle est répétitive. Je dis, c'est un bon titre de simulation, je vous le conseille. Moi, j'ai joué sur PC. je pense que refaire l'expérience, je l'aurais acheté sur iOS ou, mettons, Android. Là, pour, c'est plus un jeu qui serait appliqué mobile que, mettons, j'étais sur mon PC, j'étais là, puis j'avais une autre fenêtre à côté. Tu sais. Je ouais, regardais YouTube ouais, ouais. en même temps. Tu sais, puis, c'est un peu ça, là, mais c'est, c'est quand même un bon jeu. Tu sais. Donc, pour toutes ces réponses, en fait, que je viens de vous énumérer, je vais lui donner la note de 3.5 sur 5. Quand même généreux. Bon. C'est un très bon jeu. Comme je dis, à part, si ça ne vous dérange pas de grinder, c'est assez satisfaisant. L'humour, l'histoire, tout est là. Il y a de la progression qui est possible dans ce jeu-là. Si vous aimez les Sims, les jeux de type Tycoon, puis, comme j'ai dit, vous aimez un petit peu la nostalgie, là, c'est un titre pour vous. Là. Allez vous le procurer. Et il y a beaucoup de critiques très virulentes en ligne. Tu sais. Mais il faut faire attention. Tu sais, jouer un petit peu plus. Allez découvrir la profondeur de ce jeu-là. Là. Fait que ça va prendre quelques heures. Ce jeu-là se finit à peu près 8 heures. Là. C'est pas énormément long. Mais je pense que ça vaut la peine comme expérience. Oui. 7$ sur iOS. Ouais, 7$. C'est ça. Il est 10$ sur Steam. Donc, un beau petit titre, là, honnêtement. Là, je vous le conseille. Excellent. Fait que moi, je vais enchaîner avec un petit jeu que j'ai rajouté lundi matin à JF. J'adore tout le temps ça quand on fait ça. C'est parce que je m'attendais pas à ça. J'ai starté un jeu sur la fameuse cassette rouge dimanche matin. Ah oui. Un jeu qui s'appelle Dragon Fighter, qui est un jeu de NES. Et puis, je l'ai fini, dimanche soir. Puis regardez-moi cette pochette. J'ai trouvé ça bon. Cheesy de l'art. Et intense à la fois. Ah ouais, grosse typo, écoute. C'est beau. C'est un jeu publié par... en fait, c'est un jeu développé par Natsumi, mesdames et messieurs. Colin. Puis les jeux ouais. NES de Natsumi, c'est de la crise de bombe tout le temps. Pensez à Power Blade, Shadow of the Ninja, Shatterhand, Scat, ces affaires-là. Puis ça, man, c'est Sofel qui l'a publié, mais c'est Natsumi en arrière. Puis quand tu parles de la cassette rouge, il y a comme une toune comme crissement bonne de background là, quand tu sélectionnes ton jeu. Pis c'est la toune du premier niveau de Dragon Fighter. Fait que là, j'ai fait le saut. Donc, c'est ça. Pour parler de Sofel, c'est pour ça que c'est peut-être un peu turn-off. Sofel, ils ont pas... quand c'est écrit Sofel sur la boîte, il n'y a pas grand-chose au NES. Ils ont fait Casino Kid, Casino Kid 2, Wall Street Kid. Donc, tous des jeux là, des jeux là, d'argent. Ils ont fait Clash Ball là, aussi, qui est un navet, je crois, de genre de football futuriste. Ça, c'était une déception. Ça, c'est toutes des déceptions. Sauf Casino Kid 2. Le cover était écœurant, par exemple. Il vaut 80$ juste la cassette. Moi, j'avais un bon souvenir de si t'aimes les jeux Casino. Là, ouais, Casino mais Kid 1. J'aime ça, Nicolas. Quand... Ouais, moi, j'aime ça. J'aime ça. T'sais. La roulotte, c'est le fun. Là, qu'on se le dise. On sait que t'aimes l'argent, la roulotte, mais c'est pas un gros vendeur. En tout cas, ouais, c'est sûr que tu dois en avoir plusieurs copies. En tout cas. Fait que Dragon Fighter, en fait, c'est un bonhomme qui avance avec une épée. Puis t'as 6 niveaux à faire. Donc, tu sautes, tu donnes des coups d'épée. Quand tu gardes ton bouton enfoncé, ton bouton d'attaque, il va comme craquer une arme spéciale. Et puis, t'as 3 power-ups, donc des couleurs que t'as différentes. Là, présentement, on voit le genre de vert. T'as aussi bleu et rouge. Puis, tes armes crinquées, dans le fond, vont être différentes dépendamment de la couleur que t'as. Comme le vert, là, il envoie une genre de... juste une balle, une grosse balle en avant de toi, mais elle fait très, très, très mal. T'sais, elle tue bien des ennemis d'un coup, très pratique. Quand t'es bleu, il envoie une balle homing, donc qui va courir après les ennemis pour les frapper. Quand t'es rouge, il envoie comme 3 balles qui vont rebondir à terre. Ah, oh, si, il se transforme en dragon. Ben ouais, c'est ça. Ce jeu-là s'appelle pas Dragon Fighter pour rien. T'as la capacité de te transformer en dragon. T'as un meter de life en haut, puis en dessous, t'as un meter de dragon. Donc, à mesure que tu tues des monstres, ton meter de dragon augmente. Puis, tu peux te transformer en dragon là, à partir de la moitié du meter. Ça devient puis, un shmup. Chaque dragon. Ben ouais, c'est ça. Ouais, genre de shmup, mais les balles des dragons vont être différentes dépendamment de la couleur que t'es. OK. Parce que quand t'es le dragon bleu, ben ça lance des balles homing aussi quand t'es en dragon. Donc, des fois, c'est bien pensé parce que le niveau est adapté, tu sais. Ouais. Mettons le niveau de glace, là, quand tu es rouge, puis tu lances les balles de feu rouge qui rebondissent par terre, les 3, ça bounce sur... quand t'es dans le niveau d'eau, excusez. Ça bounce partout, puis ça tue tous les ennemis, ça va super bien. Okay. L'avant-dernier niveau, t'es comme dans une crypte, là, avec des squelettes partout. Ben, quand t'es le dragon... quand t'es bleu, tu lances les attaques spéciales bleues qui chassent les ennemis, tu passes le niveau facilement et le boss, tu transformes en dragon puis tu le fais facilement. Donc, je constate, là, y a-tu comme des endroits où tu n'as pas le choix de te transformer pour... Non, sérieux, non. Moi, je me transformais pratiquement jamais en dragon. Okay. Juste au boss. Puis je trouvais pas ça vraiment utile dans les niveaux, même que je l'ai découvert comme totalement par hasard. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça, je savais même pas comment j'ai c'est fait. C'est quoi, fallait-tu passer select? Ou... Tu, quand tu sautes, tu gardes par en haut enfoncé, genre okay. une couple de secondes. Donc voilà, c'est comme le moins intuitif. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est ça. C'est comment, mais ouais. C'est ça la beauté du NES, quand t'essayes un jeu que tu connais pas, d'un coup tu es comme oh tabarnak, tu sais, tu ouais. as presque fini le jeu puis tu te rends compte que tu peux tirer en diagonale par en haut, tu n'avais jamais essayé, tu sais, ça c'est quasiment plus ça facile. Ça aurait aidé. Ça aurait aidé en Christ. Il marche comme Simon Belmont dans le ouais, premier. Oui, c'est ça le sprite, il est assez mais il est haut. Quand il crachait le, par terre, ça me faisait penser à la à Holy Water là, dans le ouais, ouais exact. Là, ben là il est rouge présentement. Puis l'attaque spéciale rouge est très utile là. Mais c'est ça, donc c'est bien fait là. Il donne les power-ups aux bonnes places pour faire les niveaux comme il faut, tu sais, pour t'aider. Les ennemis, c'est ça, les niveaux sont très linéaires là. C'est très très très linéaire. Des plateformes, tu sautes dessus. Il y a d'autres niveaux où est-ce que les plateformes sont un peu amovibles, tu sais, ils se promènent toutes seules. Donc c'est vraiment pas révolutionnaire là, à ce niveau-là. T'avances puis tu fais ce que t'as à faire. Les ennemis qu'on voit à l'écran présentement, ils ont toutes l'air de mauvaise version des ennemis de Link. C'est là dans Zelda 2, en fait. C'est vrai que le sprite, la façon qui est faite, ouais. Les épées, les coups d'épée qu'ils donnent, ça fait penser à ça. Ouais. Sauf qu'il y a plus de portée que Link, par exemple, dans Zelda 2, ouais, ça, je peux affaire, vous le dire. Là. J'ai jamais comme été insatisfait de la portée de ce personnage-là. Okay. C'est bien construit, c'est Natsumi, c'est tight. Là. C'est pas Astyanax que t'es comme tabarnak. Les zones de hit, là, ils ont fucking pas rapport avec la grosseur de l'ennemi et que ça fait n'importe quoi. Non, ça, c'est réfléchi. Bien sûr, le soundtrack est malade. Le graphisme est superbe. Là. C'est ça, c'est du Natsumi. Donc, moi, c'est un jeu qui m'a totalement surpris. J'avais jamais joué à ça. Je savais que ça existait. Je savais pas que c'était Natsumi. Je savais rien là-dessus, en fait. Je savais que ça valait cher. Ça vaut à peu près, genre, 80$, je crois. Et puis, même si je l'ai fini sur ma cassette rouge, si je le vois dans nature, à bon prix, là, genre... Dans nature... Je serais bien prêt à payer pour l'avoir dans ma collection comme objet. Ouais, c'est on. Pousse ouais. J'aime ça dire ça dans la nature. As-tu remarqué à la fin quand il reçoit sa petite patente du ciel, c'est pareil comme l'orbe dans Castlevania. Ouais, c'est ça. C'est fou. C'est le genre de staff là, de... Ouais, c'est très très très Castlevania-esque. Ouais, effectivement. C'est fort, ça. Ça doit être pour ça que ça m'a plu autant. Donc, je voulais pas en parler pendant super longtemps, mais c'est vraiment une super belle découverte. Donc, tous ceux qui nous écoutent, qui ont la cassette rouge, et je sais que vous êtes nombreux, ouais. Parce que tout le monde me l'a demandé, puis sur les pages de Facebook, le monde, « Ah, j'ai reçu ma cassette rouge, j'ai reçu ma cassette rouge! » Ben, essayez-le, il est tout de suite au début, là. La cassette rouge. Puis ça vaut vraiment la peine. Je donne à Dragon Fighter un gros 4 bien tassé. Oh, nice. Pareil comme Ninja Senki aujourd'hui, j'ai des jeux que j'hésitais à mettre 4 ou 4.5. Donc, deux jeux qui m'ont grandement plu. Et puis, c'est ça, c'est un excellent jeu NES, ça vaut vraiment la peine. Et on fait du chemin depuis le casino. Ah oui. Puis, avant d'aller en la pause, je voulais mentionner, j'ai oublié de le dire quand je parlais de Ninja Senki, Tribute a annoncé là, un prochain jeu aujourd'hui. Oui. Ouais. Ça s'appelle Flint Hook. Ça, c'est. Puis, ça a l'air d'être un Metroidvania Bionic Commando. Donc, tu lances un genre de grappin, puis tu te balances, tu grippes un peu partout, puis tu tires. Puis, mais c'est très pirate, là, comme visuel, tout ça. Donc, j'ai trouvé ça totalement hot. Je pense que ça va être un beau succès. Suivez Tribute sur Facebook, puis suivez les développements. Donc, voilà. Great! Good. Fait que là, je pense qu'on s'en va en pause. Ouais, on s'en va en pause. Donc la tune de Final Fantasy 2. Ouais, hein? Zéro muscle, excellent track. Ouais. Fait qu'on revient avec les fun facts et puis une chier de manette qu'on va... dans laquelle on va passer au travail. Ouais, on va passer au travail. Yes. Yeah. All right. Ciao. Ouais, là, pour... Fun facts! Oh, yeah! Alors, les fun facts cette semaine. Oui. Ouais. On va commencer par ça ici, qui est le Commodore de Tassel Player. Je me souviens de ça! Oui. C'est magnifique. Yes. Le Commodore Sonic 4, ça a été un peu le premier ordinateur grand public en Amérique. C'était petit, c'était pas trop dispendieux, puis c'était quand même simple à utiliser. Il y avait plusieurs formats supportés là-dessus, genre des cassettes Atari, des floppy disks, puis des tape cassettes comme ça. Le problème avec les tapes cassettes, c'est que c'est 100 fois plus lent que les autres combats. Ouais, c'est super long à starter en plus. Il fallait que tu te rendes, mettons, à 33. C'est ça. L'autre problème, c'est que les logiciels sont placés différemment, à des différentes places sur le tape. Fait que si tu veux utiliser, mettons, l'éditeur de texte qui est à la fin, il faut que tu ailles jusqu'à la fin de la cassette. Ah, j'ai un calcul mathématique à faire. Bon, ben, la calculatrice, hop, est au début de la cassette. Rembobine la cassette. Recule la cassette. C'est là-dessus que j'ai découvert Bubble Bubble. Pour vrai? C'est là-dessus, j'avais une amie. Il y avait plein sur Commodore 64. Mais Commodore 64, oui, mais avec une cassette comme ça, c'était le seul jeu auquel j'ai joué avec une cassette, c'était Bubble Bubble. Moi, j'avais souvent vu ce périphérique-là, plus avec les VIC-20, en fait. Là, parce que VIC-20, tout était moins cher. T'as pas 64K, t'as 20. Là, t'avais la cassette, t'avais pas une disquette, là, mais... Ouais, une belle affaire. Ouais, c'est cher. Chance qu'on ait passé à autre chose. On serait pas mal moins stressé s'il fallait qu'on travaille avec ces outils-là. Ouais, c'est sûr. Ouais. On va avancer, on va prendre un café. Ouais. Maintenant, on chiale en tabarnak quand on a un update de 15 megs sur un jeu. Dans ce temps-là, là, t'attendais. À position numéro 4, avez-vous entendu parler de Game Line? Oui! En 83, GameLine a fait son apparition. C'est un peu le premier système de location de jeux en ligne. Le concept, c'était vraiment simple. C'était insérer une genre de cartouche modem dans ton Atari 2600. Tu pluguais à une ligne téléphonique, puis tu te connectais au service qui avait vraiment un large éventail de jeux third party. Les jeux étaient téléchargés et stockés sur ta cassette pour le temps de ta location, soit entre 5 et 10 jours. Puis en plus de ça, il voulait faire des news, des résultats de sport, la bourse, des courriels. Fait que c'est vraiment là, avant son temps, ça. Sacrément, c'est tombé. Il y a eu deux gros problèmes avec ce truc-là. En 83, il y a eu le fameux crash des jeux vidéo. Ouais. Ça n'a pas aidé. Non. Puis l'autre affaire, c'est que les gens, en 83, ne savaient pas c'était quoi un modem, vraiment. Là. Les gens ont commencé à connaître un peu plus ça avec War Games, là, avec Matthew Broderick. C'est vraiment là que le premier modem, tu sais, genre de hacking est venu à mainstream, là. Fait que ça a juste pas pogné, mais. Un autre défi de l'époque, là, pour ceux qui s'en rappellent, là, c'est pas tout le monde qui avait du touch-tone. Ouais, t'sais. Ouais, c'est la c'était la roulette, tu sais. C'est vrai. Parce que je me rappelle, il y avait l'ancêtre de VideoWay. Il y avait des jeux qui jouaient live sur le câble, puis il y a juste une personne qui pouvait jouer, mais il fallait t'appeler avec un touch-tone. Puis moi, c'était un des drames de ma vie parce que mes parents avaient la bonne vieille roulette, puis je pouvais pas appeler pour jouer. Mais je regardais le monde jouer, tu sais. Je me souviens. T'en souviens avant VideoWay, vraiment, là, c'était peut-être Canal 26 ou quelque chose, avant le canal des jeunes. Puis Touchstone, c'était comme... là, vous le prenez pour acquis, là, les jeunes. Puis t'haïssais le monde qui avait des 9 puis des 0 dans leur gueule. 0-9, 0-8, genre. Hey, man, fuck you, je t'appelle plus jamais de ma vie. C'est ça, 9-1, je vais beaucoup trop long du 8, là. Puis moi, en plus, avec les gros doigts que j'avais, tu sais, c'était nécessaire. Comme au verre dans Simpson. Maudit gros doigt. Ouais, mais il y avait un côté chic, tu sais. Il y en a qui mettaient une bague, puis tu pouvais appeler avec. Ça avait l'air chic. C'est vrai, ça. Ça s'est perdu. Ouais. Mais ma grand-mère a toffé son téléphone à roulette. Jusqu'à temps que Belle arrive puis fasse comme là, madame, ça marche plus, l'enlever. Ça va faire. Mais il y avait quoi aussi dans ce temps-là, les jeunes, on n'était pas obligé de composer le code régional. Non. Ouais. Parce que composer 514 ou le 438, là, ça existait pas. C'est tout frais, ça. On là. On savait pas. Mais non, man, t'as pas besoin de faire mais ça. Juste c'est rien que pour les longues distances que numéro. Tu faisais ça. Là. Mais oui. Que voilà, man. Les jeunes, ils sauront pas ces affaires-là, les jeunes. Non, ils vivront jamais ça. Jamais. Jamais. En numéro 3, le Atari ROM Scanner. Cette atrocité monstrueuse ici. C'est un genre de jukebox pour les jeux, en fait. Ça te permettait de stocker 10 cartouches en même temps. Sur la boîte, ça disait en plus que ça éliminait le temps d'attente entre les switches des jeux. Fait que c'est un switch box. Mais il n'y a pas vraiment. C'est pas un temps de loading, ça. Il n'y a pas de loading, ça. Sortir la cassette et remettre la cassette. C'est crissement long, ça. Ça m'écœure parce que moi, je suis très lent. Puis ça, c'est vraiment pour les paresseux parce que tu pouvais mettre 10 jeux en même temps. Le seul problème, puis le gros problème, c'est qu'il fallait que tu ailles peser sur le piton pour changer de cartouche quand même. Fallait que tu le mettes off aussi, j'imagine. Ouais, tu te lèves pour changer au lieu de te lever pour mettre la cartouche. Tu sauves quoi, 15 secondes à peu près? Ouais. Complètement inutile. C'était donc bien inutile. Mais mettons que toi, tu possèdes à peu près ça, 10 jeux là, dans la vie. Puis ben, c'est ça que je disais. C'est le fun, ils sont tous pluggés pour toujours. Là, c'est ça. Plus de traînerie, c'est pour le monde que les enfants, ils ont genre, justement juste 10 jeux puis ils veulent pas que ça soit éparpillé partout. Les enfants ça reste... pauvres, là. Je sais pas si ça fonctionnait, mettons qu'on avait juste 7. Ouais, hein? Ça bug. C'est en série. C'est pas rare. C'est ça. Il faut que ça soit plein, tu sais. C'est ça, c'est en un jeu suite, c'est frustrant. Ça donne le goût d'en acheter deux autres. Ouais. Mais non, ça, moi, je le trouve beau, ce PS5. C'est ce que je veux faire. Je veux m'acheter ça, je vais le mettre sur mon Atari, puis je vais faire des critiques Atari à Rétro Nouveau. Cette semaine à Rétro Nouveau, le top 8 man, des jeux Atari que j'ai fait cette semaine. Ça va être les 8 qu'il y a dans mon Atari. À chaque semaine, je les change, les 8. Ben oui. Ça serait le fun, ça. Ben, ça va être parfait. Ça aurait du sacrement de plaisir. Il suffit juste de t'en trouver un. Ouais, je sais pas comment bonne ça chance. Peut valoir. Ouais. Je vais checker ça. Ça a l'air plus rare. J'ai jamais vu ça, même à l'époque. Mais... Là. En deuxième position, Dom, peut-être un accessoire pour ton Vectrex que t'aimerais avoir. Ah ouais, les lunettes. Le Vectrex 3D Imager. Ah, c'est fou, man. C'est un genre de casque pour jouer à des jeux 3D qui sont programmés justement pour le casque. Ouais. Ça fonctionne avec une genre de roue de couleur semi-transparente. La moitié de la roue était noire. L'autre moitié, il y avait des couleurs bleu, vert, jaune. Qu'on peut... ben, pas jaune, mais bleu, vert, rouge, comme on voit. RGB. Semi-transparente. L'idée, c'était que ton un œil à la fois pouvait voir l'image. Fait que ça simulait un effet de profondeur, en fait. Là. Gros problème, c'est qu'il y a eu juste trois jeux de produits pour ça. 3D Mindstorm, 3D Narrow Escape et 3D Crazy Coaster. Il était en préparation pour faire Pole Position 3D puis c'est jamais sorti. Il y a eu plusieurs homebrew, par exemple, qui ont été faits pour ça. Ah oui, l'autre gros problème, c'était le prix à l'époque, 80$. C'était la moitié du prix de la console. Ouais, tu sais, quand tu regardes les VR qui sont à 700$. Ouais, ouais. L'autre gros... 80$ aujourd'hui, cette chose-là doit valoir sûrement, tellement cher. Tu sais, l'autre gros défaut, c'est le look que t'as quand t'as ça sur la tête là aussi. Checker ça. Comment mais t'as l'air déjà... cool. T'as l'air comme un robot rétro-futuriste. Ouais, même ça, la fois de la roulette, tu dois avoir mal à la tête. C'est un moyen. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est comme si vous aviez, tu sais, au Pitchy, il y avait des petits guides là, qui collaient des collants en 3D, puis t'avais des lunettes rouges et bleues. Ah oui, ça doit être le même feeling. Ouais, ça, ouais, c'est vrai. Hey, je me souviens, moi j'avais les Ghostbusters. Oui, c'est ça, j'avais oublié ça, 3D, les autocollants. C'était le fun, Chris. Calique. Et en première position, probablement c'était la plus... C'était Panini, pas Opichi. Panini. Ouais, Opichi, c'est des cartes d'hockey. Ça aurait exact, Opichi, ça. En première position, probablement la plus grosse manette jamais inventée, le ColecoVision Super Action Controller. Avec un nom de même. Ah, ben oui. Ah oui! ColecoVision n'était pas très reconnu pour leur manette, fait que leur réponse aux critiques, ça a été de faire la plus grosse manette possible en 1982. Ouais. Fallait avoir une main immense pour ça. Je suis même pas sûr que Ben peut prendre ça dans ses mains en ce moment. L'eau, les temps Il y en a. J'en ai, puis j'en ouais, ai. Ouais, t'en avais. Aussi, puis c'est pas. C'est commun, ça, sérieux. C'est pas dur à trouver du tout. Mais il y a comme aussi une roulette pour scroller. Ouais, c'est ça. Sur la manette, il y a 4 triggers de couleur, un keypad de 12 boutons, une roue pour contrôler la vitesse, puis une grosse balle rouge comme control stick. Exact. Puis t'as aussi, tu peux mettre des overlays dessus pour les jeux qui marchent avec ça. C'est comme baseball qu'on voit en bas, là. Ouais, exact. Il y a eu bien des jeux de sport avec ça, là. Super Action, baseball, football, jeu de Rocky aussi. Parce que ça, on dirait que tu tiens un gant de box, tu sais. Mais c'est ça, c'était comme vraiment trop gros pour des mains d'enfants. Puis l'autre gros défaut, c'est que ça se vendait en paire de manettes. Fait que t'as pas besoin d'en avoir deux si t'en achètes une de ça. Ah! Pas sûr du move marketing si c'était une bonne idée, mais. Ah, Coleco, ils en ont fait des périphériques, là. C'était immense. Ouais. Mais c'est hot. C'est un bel objet quand même. C'est un objet plein de nostalgie. Ouais. Oh. Ben les couleurs, en fait, c'est superbe, là. Ouais, hein, les gros pitons, là, ou les mains, là. J'en ai jamais vraiment testé. Il y a 4 boutons, Chris. Ils font toutes la même affaire? Mais moi, j'ai toujours un peu de misère quand t'as un joystick que tu tiens d'une main puis que ta base, tu la tiens dans l'autre. Ouais. Ça finit toujours que tu travailles contre tes ouais. C'est pas ergonomique. Ouais, ou tes deux mains travaillent puis ils font la même affaire. Tu vas avoir mal. Essaye de jouer à Pole Position avec ça. Avec les lunettes 3D du... Ah non, c'est pas le Coleco. Ouais, exact. Position au Coleco. Non, c'est pas le Vectrex, c'est vrai. Ben, c'est ça. C'était mes 5 Je les ai aimés, tes fun facts pré-NES en plein dans ma zone, man. Bon, tu vois, on est Vectrex, Atari, Coleco. Moi, je collectionne ça à fond. Puis on va en parler des manettes, d'ailleurs. Ouais. Wow, yeah. On commence ça direct live demain. Commence ça direct live. Fait que Ben, lui, il va s'étirer. Puis il y a un buffet de manettes sur l'arcade, là. Cocktail. Ben, il s'étire. Ouais. Il prend une manette. Puis nous autres, on dit qu'est-ce qu'on en pense. On va faire une pile de Wii. Une pile de noms. Mais la pile de noms, elle s'en va chez GF puis on la voit plus. Ouais. Ça fait un show. Dans le composteur. Fait que là, je commence avec cette magnifique manette d'Atari. Ouais. Oui, monsieur, oui. Le classique. Le classique joystick Atari 2600. Qui est dans notre logo. Moi, je me souviens que la mienne avait des sus en dessous. Ah, c'était pas une originale. Non, c'est ça. Mais. Ouais, celle-là, non, elle a pas de sus. Mais moi, je rejoue aujourd'hui, mais j'aime pas beaucoup ça parce que c'est pas assez gros, tu sais. Ouais. Quand t'as un joystick, t'aimes ça avoir de la surface un peu. Peut-être pour le mettre sur tes genoux puis jouer, tu sais, comme un S Advantage ou des affaires de même. Ça, c'est, tout est dans ta main, tu sais, puis tu sais plus comment le prendre. Puis il faut que tu te crochisses le doigt en dessous même pour avoir un soutien. Fait que c'est ça. Puis il y a des jeux qui demandent, tu sais, bien des affaires. Ouais. Mais pas solide. Moi, tu sais, quand tu fais un jeu de course avec ça, là, ça marche pas. Mais moi, j'aime pas, qu'il n'y ait pas de boule au bout, tu sais. Ah ouais, t'aurais aimé ça, toi. Ben oui, parce que, tu sais, tenir ça, là, tu tiens ça avec le bout de tes doigts, man. T'aurais aimé ça, une boule. Ouais, j'avoue. Une maillotche, c'est ça, tu veux, au bout. Ouais. Ça devenait lousse avec le temps aussi. Mais elle a été mangée, ça. Elle a été mangée. T'as vécu beaucoup l'avantage de frustration. L'avantage de la manette Atari, de même, t'es comme tabardoc, là. Moi, les miennes sont de même, ça, c'est même pas moi, là. J'ai trouvé ça comme un moment dans un bundle. Fait que j'étais pas le seul à mordre dedans, tu sais. Mais c'est un objet culte, ça. Moi, je le trouve beau, par exemple. Mais c'est pas solide. Puis, c'est ça, moi je n'ai pas ça ergonomique. C'est clair que ce qui se passait, c'est que tu pétais ceux-là, tu ramassais avec un clone moins cher. Ah oui, ça, il y en a là, des manettes Atari Third Party. Il y en a, là, c'est l'enfer. Puis souvent, ils faisaient le meilleur job aussi. Le fil est vraiment court. Honnêtement. C'est vrai, c'est vrai aussi. Il aurait pu être le double facilement. Tout le temps collé sur ta console. C'est pas comme si du fil, c'est cher, tu sais, puis... Non, mais par contre, le fil, le fil de power supply de l'Atari, il est vraiment très, très, très, très, très long. Pour fait qu'eux autres, ils ont pensé que t'allais passer plus de temps avec la console proche de toi que le contraire. Ouais. Fait que, quand même. Mais oui, il existe des rallonges, en fait, aussi, que j'ai. C'est très pratique. Tu sais, tu doubles la longueur de ton fil. Donc, parfait pour les parties Atari 2600. Ouais. Fait que oui ou non? Moi non. Moi je pense que ça va être un non aussi. Ouais, c'est un non. Et culte au niveau du look là. Ouais. On a des critères que Bruno nous a établis en fait. Look, prise en main et features, les toutes les particularités de la manette. Elle a juste un bouton. Donc le look, en fait, le seul look que je trouve qui est intéressant, c'est que tu sais, c'est un côté historique. Ouais, exactement. Mais started it all. Ça va être non, man. Mais non. Ça va être GF. Désolé. Ah, ouais, c'est moi qui ramasse les coches. Triste journée. La passation. Bon, c'est la deuxième manette qui m'aura donné beaucoup, beaucoup de douleur. Tabarnouche. Mais ça, là, c'était... Puis là, en vrai, moi, quand je jouais, j'étais vraiment plus petit. Là, je me souvenais pas à quel point que c'était vraiment mal. Faut que tu tiennes... c'est la manette de ColecoVision. Faut que tu la tiennes sur le bout de tes doigts. Là. Sérieux, là. Mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, là, je jouais comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu joues de même encore. Ouais, je joue de même encore de même. Tu vois, c'est probablement pour ça que j'ai des problèmes au poignet maintenant. Mais tu sais, en fait, non. Je comprends pas le système d'avoir le clavier en dessous. Pis ça, là, ben, à un moment donné, ils ont comme décidé que c'était une bonne idée de mettre des claviers sur les manettes parce que ça rajoutait bien des options. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais des fois, c'est un peu con, surtout au niveau du Coleco, où est-ce que les boutons, ils servent surtout à sélectionner le type de jeu au début, la combien de players puis le type de difficulté. Ouais. Sinon, les jeux de Coleco, c'est très arcade, tu sais. Puis les boutons d'attaque sont de chaque bord. Fait que, tu sais, moi j'ai de la misère avec mes poignets. C'est pas le même bouton. Ça va pas bien. Ouais, ils font la même job. C'est ça, ils font le même job. Fait que c'est ça. Mais moi, quand les gauchers puis les droitiers, il y a un point de vue positif à tout ça. Là. Quand j'étais petit, je jouais à des jeux de char là-dessus. Je me souviens plus c'est lequel. Je pense que tu saurais dire c'est lequel. Celui-là, que c'est en 8, là, puis tu tournes avec tes chars. Char bleu, char rouge. Super Sprint? Sprint, en fait. Super Sprint, ouais. Pas souvenir qu'il y ait Super Sprint. Mais c'est pas Super Sprint, mais en tout cas, c'était un jeu dans le genre. Puis je jouais à ça là-dessus, puis mes doigts rentraient en dessous, puis je me rappais tout le temps les doigts à cause qu'il y a des petites coches. Ouais, il y a des petites coches en dessous du joystick. Ouais. J'ai toujours trouvé que la prise en main. Il est raide le joystick aussi. Hein. Ouais. J'ai eu le joystick, mais j'aime les boutons sur les côtés. Tabarnak, de téléphone. Qui mesure même pas un pied. Là. Mais ça ressemble à un téléphone. Puis là, tu tires, puis là, dwing, ça revient, puis là, ça c'est de la merde. Ces fils-là finissent tout le temps par devenir un peu weirdo. Ouais, ils deviennent étirés, puis là, t'es plus capable de les rétracter pour que ça rentre dans le gauge de la console. Ouais, parce que ça rentre dans la console, ouais, ça. Ouais, c'est là, ça, dans le temps. C'est bien hâte que ça rentre dans la console. Ouais. Fait que c'est Mais ça, c'est un argument de parent, c'est pour dire, il traînera pas chez vous dans la console, tu sais. Moi, j'ai tout le temps haï cette manette-là. C'est une console de famille. C'est fragile, ça vaut pas de la merde. Mm. Le ColecoVision est une console très fragile qui pète, là. Tu vas trouver un ColecoVision dans un marché aux puces ou un pawn shop, là. Ouais. Je te garantis, man, qu'il y en a un sur 50 qui marche parfaitement. Ouais, les autres, man, sont tout le temps tout scrap. Atari 2600, c'est du solide, là. T'sais. T'as jamais de problème avec ces consoles-là. Coleco, c'est tout le temps pété. Fait que moi, cette manette-là, man, je l'haïs. Je trouve que ça aurait jamais dû être ça. Et je trouve que c'est de la merde. Moi, je la trouve très belle. Ah ouais, je la trouve laide. Ça a juste pas l'air là, ça paraît pas d'une ici manette. Aussi. T'as une entrée pour mettre des overlays. Oui, oui, on le voit mais ici. Mais il y avait rarement des overlays de Coleco. Ouais, puis t'as même une affaire pour l'enlever. T'sais. Elle est jolie, mais je pense qu'on va la passer à Jeff dans la peine du... Dans mon musée. Non. No. Ouais, pogne la grosse affaire au complet. Là, parce ouais, que... télévision. Ouais, faut que tu pognes la console. Là, on passe à l'intellivision. Le problème, c'est que pour l'intellivision modèle 1 et modèle 3, nous autres, on a un modèle 3, les manettes sont built-in, tu sais, sont soudées dans la machine. Comme... Fait que j'ai pas eu le choix d'amener la télévision complète. Chip ça direct des mains à GF. Pourquoi on la regarde? J'ai plus d'un télévision modèle 2. Mais le modèle 2, tu peux débrancher manette, par exemple. Fait que ça, c'est pas pire. Amenez-les ici. Ah ouais. Déjà, a big problem. C'est comme, ça marche pas. Là. Fait qu'on a encore à faire un hostie de fil de téléphone. Puis les manettes d'un télévision sont comme creuses en arrière pour que ça rentre dans la machine encore. Fait que quand tu tiens ça, les boutons sont de chaque côté. T'en as deux de chaque bord. Ils sont très raides. Tu sais, tu sens pas que ça fait pas clic, clic, clic quand tu tires des balles. Donc là, c'est pas le fun. La seule chose que l'intellivision a comme innové, c'est le pad. Ouais. C'est un genre de disque comme ça que tu peux t'appuyer dans les directions. Hey, c'est comme le pad de la Steambox, il me semble. Sérieusement? Ah, la ouais, c'est vrai. Quasiment, ça ressemble à ça. Elle est tactile, là, mais ça ressemble à ça. Mon c'est très étrange, mais c'est pas pire. Ça marche. Sérieux, tu peux jouer avec ça, là, pas de problème. Si tu pèses en diagonale, ça va aller à la bonne place. Mais le trou en dessous, c'est tellement weird. Ouais, c'est ça, la manette est creuse en arrière. Elle est mince, là. Fait que, puis il y a encore un keypad. Mais l'intellivision, par exemple, ça, le keypad, il l'exploitait. Ah ouais. C'est super compliqué, les jeux d'intellivision. T'as plein, tu mets, ça te prend les overlays, man, parce que tous les boutons servent à tirer dans des directions. Ah fait bon, que... Mais les feelings des boutons, ils ont pas de sens. Ils sont comme... T'as aucun feedback, c'est comme j'ai-tu pesé ou j'ai pas pesé? Il y a une ambiguïté. Je sais pas. Là. Sont comme, sur le modèle 2, tout petit ici, les manettes, les boutons sont encore plus raides de ces côtés. Je suis pas mal sûr que c'était à l'époque que l'ergonomie c'était pas c'est, trop. C'est moi, c'est ça. Non, c'est ça. C'est une calamité, mais j'aime l'innovation au niveau du joystick, en fait, qui est une pastille. Ouais, honnêtement, parce que ça marche c'est une bien. Belle touche, là. Ça marche bien. Mais pour le reste, ils ont pas pensé pas en tout à... Ça tourne, ça, c'est-tu supposé tourner? Oui, oui, c'est supposé. Okay. Mais là, moi, c'est vraiment le fait que ça soit attaché à la console. Hey, allô, là. Mais ça, c'est le troisième modèle, en plus. Ils l'avaient réglé le problème avec le deuxième, tu sais. C'était détachable. C'était trop puis cher. Là, ils ont comme remis ça dedans. Hein, trop cher. Ouais. Bon, fait mais... que, ben, pas, désolé, Intellivision. Non, moi, j'aime non, beaucoup non, l'Intellivision, non. Mais côté manette, c'est de la... ça va pas passer à... C'est pas le fun. Et voilà. Ça part mal. Bon. Oh! La classique. Bon. Ça, j'ai tellement eu de fun avec ça. Stop. Manette... La manette du Nintendo, le Nintendo premier. La mythique manette. Le NES. Moi, je trouve ça parfait, cette manette-là. Ouais. Seule affaire, c'est que quand j'ai eu Mario Bros. Pour c'est la première fois quand j'étais petit... Ouais, c'était pas si pire. Moi, c'est plus le pouce m'a usé sur le pad. Ah ouais, non, mais à longue, ça coupait. Puis là, j'en ai pas emmené, mais la manette Duckbone du Top Loader, ouais. Là, les boutons, ils creusent par en dedans. Puis sur la Duckbone, ils ouais. bombent ouais. en place. Fait que tu sais, ça te gosse moins sur les côtés comme ça. C'est plus, ça fait moins mal. Puis les côtés du pad sont moins coupants aussi. Tu sais, là, ça remonte par en haut, parce que là, l'autre, ça descend un peu par en bas. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Quand tu passes beaucoup de temps à jouer avec une manette de Nintendo... Tu prends une NES Max. Le pouce... Ah, non. Tu voulais juste plugger ta NES Max, Bruno. Ouais. Fait que c'est le seul désavantage. Sinon, c'est tout petit, c'est solide comme le rock. C'est cool. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est pas tuable. Ça, c'est vraiment solide. J'en ai garoché plus. Ah oui, puis tu joues. Ouais, tu colles ça en tête, ah, tu ouais. pars dedans. C'est sur la TV. C'est ça. Ça meurt pas. Moi, je trouve ça parfait. C'est l'affaire que je trouve cheesy un peu, c'est l'espèce de design par-dessus ouais, là, qui était un peu... Dans le temps, c'est sûr que ça devait être comme « wow », mais là, je sais pas, aujourd'hui, avec l'œil que j'ai maintenant, je trouve ça un peu cheesy. Là. C'est vrai, mais tu sais, c'est tellement typé, tu sais, c'est ouais, comme... c'est vrai, c'est l'air marque c'est l'air commerce. Du temps, tu sais. En 1985, là, c'était malade, cette affaire-là, mais je suis d'accord avec toi, le look peut-être pas vieilli. Oh, ben, ouais. Moi, je mettrais ça dans Wii. Mais bon, c'est trop classique. Ah oh, ouais, c'est clair. Là. Puis le D-pad là, il est tellement précis. Ouais. T'sais, ah, yeah, c'est ça. Il est super précis. Là. Le pixel encore jump, là, si vous voulez faire le truc du moyen là, à Super Mario Brothers 1, là, ça prend cette affaire. Là. Tu joues à Dragon Fighter avec ça. T'as pas de misère. Là. Moi, en fait, c'est vraiment les coins, là. Puis, tu sais, on va y arriver. Il y a la Super NES tantôt, mais la Super NES, je trouve que c'était une grande amélioration à cause de la forme de la manette. Ouais. Fait que là, on arrive avec sa concurrente directe. Oh, oui. La manette du Sega Master. Sega. System. Ça, c'est la deuxième version, je pense. Parce que sur la première, le fil, il sort sur le côté, comme une manette de Famicom. Il faut que tu te passes entre les deux doigts, comme ça. Hey, c'est habitué. Moi, là, particulièrement, cette version-là, la première, là, c'était tellement déplaisant à tenir dans tes mains. Là, c'est ridicule. Ça enlève tout le plaisir du jeu. Là. T'as des crampes. Là. Le pad, il est comme bizarre, il est étrange, hein, il est gros. Ouais. Je sais pas, c'est comme à moringue, un peu. Là. Ouais. Ouais, puis tu peux peser dans le centre. Dans le centre, c'est ça. Tu as une petite vis aussi que tu peux visser dans le centre. Ah ben celui-là, il l'a dessus. Ouais, la version 2, il n'avait pas. Là, ouais. Des fois, tu as un stick, une vis ici. Puis tu peux mettre un petit joystick de même. Mais la grosseur est pas mal pareille comme la version NES. Il n'y a pas de start, ouais, c'est ni ça. De select. Ça fait chier. Il est sur la console. Ouais, il faut qu'il se lève. Il est sur le bouton 1. Puis aussi, ce qui est plate au Sega Master System, c'est qu'ils ont inversé les boutons. Donc, pour sauter... C'est le bouton à l'intérieur, puis pour tirer, c'est le bouton à l'extérieur. Juste pour faire différent. Quand tu joues, rien que pour faire différent. Ouais. Puis Dieu sait que tout le monde a joué plus au Nintendo qu'au Master System. Fait que moi, ça m'a fucké. Puis côté design, ça, tu sais, juste le connecteur, la ligne Nintendo, tu voyais qu'il y avait un connecteur plus gros, il y avait plus de pins. Ouais, ça rentrait bien. Génial, c'est comme Atari, là, ouais, ça a mal vieilli. Ouais. Mais tu sais, il y a une chose, moi, que je trouvais dérangeante de cette manette-là, en fait, c'est. C'est justement, tu sais, la Nintendo, elle était comme lisse. Fait que quand tu touchais à tes boutons, là, c'était facile d'accès. Ici, il y a une texture au niveau, tu sais, il y a une petite ligne. Puis à longue, c'est fatigant, cette affaire-là. Ouais, c'est fatigant d'avoir ça sous les doigts. Déjà, c'était pas le D-pad le plus précis. Là. Ça faisait un job à Alex Kidd, là, mais tu sais, je sais pas si à jouer à Mario Bros, ça serait pas en main game. Mais ça, c'était juste... C'est beau là, quand tu la regardes, mais à jouer avec des longues heures, c'était pas excellent. Puis comme Dom l'a mentionné, le fait qu'ils ont inversé les contrôles réguliers normales, là, c'est juste ordinaire. Là. Moi, je dirais, on peut voter les boys. Là. Moi, c'est non. Non, en fait, on la tasse. C'est pas super. Ça a pas fonctionné. Ouais. T'as un peu, là, on est rendu... Ouais, bon, dans l'ordre, ça serait Genesis. Super NES. Genesis en premier. Ouais, Genesis, il est sorti en premier. La première du bord. Ouais, juste à côté. Merci. Ça, ouais, c'est. Je me souviens de l'avoir eu. Genesis, première version, en fait. Parce qu'après ça, il a sorti la 6 boutons, qui est beaucoup plus petite. Mais moi, j'aime la plus grosse comme ça. Elle a une belle prise en main. Ça, ça me plaît. Oui, moi, tu vois, la prise en main, pas pire, sauf que, tu vois, je trouve que les mains, il y a comme un peu trop de jeu. Tu sais, j'aime ça quand c'est bien. Puis, tu vois, où mes pouces arrivent, là, normalement. Ouais. Il faudrait que ça soit plus haut. Faut que je me mette un peu sur le bout. Mais. Ouais, je comprends. Quand même confortable. Puis, tu sais, on s'entend que côté design, c'est quand même révolutionnaire. Ouais, elle est belle. C'est là, tout en rondeur, tu sais, c'est smooth. Puis, tu sais, le logo au centre qui est quand même très bien mis en valeur. Le bouton start, tu sais, qui est là. Les boutons, ils ressortent beaucoup aussi. Ça marche bien, tu sais. Ouais. Il manque de boutons. Mais tu vois, naturellement, toi aussi, je pense. Déjà, l'idée de la curve en dessous aussi. Ouais, c'est quand même pas pire. Mais encore une fois, connecteur. ça a resté, ça. Elle est très sobre, cette manette-là. Ouais. C'est ça qui fait son charme, en fait, je pense. Ouais. Comme tu dis, le logo Genesis. Mais tout le design de la Sega Genesis était très slick, j'ai toujours trouvé qu'il y a le côté design. Un beau design. Absolument. Ouais, mais je suis d'accord avec la largeur. Là, moi, j'aime bien, en fait, que c'était un peu plus large, un peu plus gros. Ouais. Tu sais, puis les boutons sont justement sont un à côté de l'autre. Fait que tu sais, ça. Moi je trouve que ça se passe bien. Là. Oui. T'sais, honnêtement, là, vous la connaissez tous, là, un classique. Puis le fameux croissant, il y a une petite ergonomie là-dedans. Là, ouais. Ça te blesse pas. Ouais, c'est là, ça. Comme, c'est comme la première manette croissant, finalement. Ben, t'avais ta nom, en fait, ta ma NES Max. Ma bien-aimée NES Max que tout le monde déteste. C'est un petit croissant à coin carré. Là. Ouais. Ça, c'est un croissant. Fait qu'on peut voter pour celle-ci, en fait, moi, les gars. C'est un gros oui. Oui, on la garde. C'est une belle manette. On aime. Puis en plus, tu sais, historiquement, elle a quand même un poids. Ouais, tout à fait. La première, en fait, 16 bits d'Amérique du Nord. Ouais. Là, on serait rendu... ouais, c'est ça. SNES. La légende. La légende. Ouais. Et tu regardes le connecteur. Là. Déjà, on est ailleurs. Là. Exact. Propriétaire, déjà. Ouais. Effectivement. Moi, cette manette-là... C'est pas mal dans mes meilleurs. C'est con, là. Ouais, mais, moi avec. Même si, tu sais, c'est pas un design ergonomique, là, on s'entend, là, mais... L'arrivée des shoulder pads. C'est ça. Ça a changé beaucoup. Ça a changé la game d'aplomb. Tu sais, c'est le même principe que la NES. C'est pas tuable. Puis en même temps, tout est là. C'est clair. Moi, je trouve la prise en main aussi là-dessus. Là, les coins ronds, là, c'est juste parfait. L'ergonomie, tu sais, puis la résistance. Tu sais, il y a quand même eu Mario Kart qui est sorti sur cette console-là. Ouais. Puis pour se faire dépasser à la dernière minute par Luigi sur le Rainbow Road, là, tu sais, j'en ai lancé quelques-unes, là, puis... C'était la même, en fait, puis elle a jamais brisé. Moi, j'aimais beaucoup le smoochie du Select et du Start aussi, qui était comme... Il était mou un peu. Là. Ça, c'est une affaire, par exemple, pour en avoir vu passer beaucoup. Là. La première chose à lâcher sur une manette de Super NES, c'est le bouton Start. Ah ouais. Ça devient encrassé tout le temps. Okay. Puis si vous avez ce problème-là, qu'il faut que tu pèses fort. J'ai ça chez nous. Ben, tu l'ouvres, puis tu nettoies le contact en dessous avec l'alcool à friction, puis ça va revenir top-notch. Fait que ça, j'en ai vu là, passer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais sinon, moi, c'est une manette que je trouve parfaite. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que tu as des boutons concaves et convexes, les deux. Ouais. Puis ça a l'air niaiseux, mais quand tu fais juste pas regarder ta manette, toucher, tu le sens la différence. Ouais. Tu sais, tout de suite, si t'es sur X ou Y ou AB, tu sais. Fait que. Puis, tu sais, juste l'angle, le look, tu sais. Tu sais, on s'entend, c'est iconique. Là, quand la première fois que j'avais vu ça, là. Bon, encore une fois, je pense que c'était GamePro ou EGM. Là, c'était comme genre, oh my god, c'est incroyable cette affaire-là. Puis le look, encore, là, je pense qu'il a maintenu l'air du temps. On était pognés avec le mauve en Amérique du Nord là, pour le petit côté cool de l'époque. Là. J'aurais aimé avoir les couleurs de la Famicom, Super Famicom. Mais elle fait le job. Là, fait tu vois, ça, c'est la dernière manette aussi que mes parents ont pu manipuler. Fait que ça, dans le fond, les gars, est-ce qu'on vote? C'est ça. Classique, on met ça là. Et c'est un gros oui. Là, on serait rendu à la NEC, là. Ça, c'est une manette, en fait, de Turbo Duo, mais c'est exactement fait pareil comme une manette de Turbo Graphics 16. Ouais. Donc là, soudainement, comme par magie, on retourne avec une manette à deux boutons seulement. Par contre, dessus, t'as T'as des sélecteurs de turbo. Ouais. Donc, t'en mets pas, ou t'en mets un peu, ou t'en mets beaucoup. Très, très, très utile pour cette console-là, parce qu'il y a des il y a des tonnes de shooters. Ça ressemble à un peu trop gros, ce connecteur-là. PS2, quand tu plug, il rentre pas assez loin dans la machine, fait qu'il est comme slackos un peu. Ouais, puis le câble est un peu court, à mon avis. Le câble, il est court. Déteste où est placé le D-pad. Je trouve ça. Il est vraiment trop sur le bord. Il est sur le bord, là. Il aurait pu le mettre sur le côté de la manette. Il est vraiment mal placé. Je m'en suis pas rendu compte. Check ça, il est ici. Ouais. Fait que tu sais, t'es comme. T'as vraiment ta main dans les airs tout le temps. Même les boutons sont vraiment sur le bord. Sinon, tu sais, les boutons sont responsifs puis tout. Mais c'est le placement qui m'énerve, moi. Ouais, c'est vrai. T'as la main dans le vide pas mal. Un bon bout de temps à jouer à ça, tes mains. C'est une manette qui n'a pas été réfléchie. T'sais. Ils ont juste mis les boutons. Ils sont tous égales. Tu sais, comme dans le milieu de ça, le bouton arrive dans le milieu, un dans le milieu, on met un bouton sur la manette, puis on se fait une manette. Mais tu sais, NEC, il y avait une grosse course au Japon pour être le premier 16 bits, puis c'est eux qui ont gagné, en fait. Ouais. Puis ils ont tellement gossé pour faire l'adaptation nord-américaine en disant les Américains, parce qu'elle était tout petite, là, en fait, la console originale japonaise. Ouais. Puis ils ont manqué le momentum, puis Genesis les a lappés. Fait que Sega les a lappés, puis sont arrivés, après ça, il n'y avait plus juste le momentum, le marché a juste pas accepté ça. Puis garde, vous avez raison. Là, elle a zéro elle chose. Elle n'est pas confortable. Elle est pas c'est drôle parce qu'en arrière, ils ont mis boutons. Des... Ouais, elle a juste deux boutons. Alors que la Super NES, elle en a quatre de plus. Oui, la joue de turbo est vraiment très le fun, par exemple. Ça, c'est cool, mais tu sais, même en arrière, ils ont mis des petites courbes pour que tu tiennes justement comme croissant un peu, là. Mais tu peux pas faire ça. Non, c'est ça, tes mains sont comme pas placées pour le faire comme du monde. Ouais. Je pourrais dire, côté esthétisme, la version Turbo Graphics nord-américaine était plus belle que la Turbo Duo. Bah, c'est plus le cover qui change. Ben, c'est ça, t'as plus joli. Tout est à même place. Mais les couleurs étaient cool. Du rouge et jaune. C'est vrai. Moi, je trouve ça cool d'avoir la Turbo Duo. C'est plus cool maintenant. Tu sais, là aussi, le format propriétaire là, de Nintendo, retourne. Moi, je suis encore avec les connecteurs, je suis fatigué avec ça, mais tu sais, tu peux pas te tromper. Là. Tu peux pas forcer puis le rentrer du mauvais bord. Là. Ça, tu gosses. Ouais, c'est ça. Ça ah me ouais, prend une petite vrai. Flèche sur le dessus pour te dire ouais. comment ça marche. Ouais. Tu sais, c'est pas pensé. Là. Ça, c'est pas ça, dumbproof. Là. Non, mais tu peux péter ça, tes connecteurs. Bien, là, c'est ouais. ça, c'est bien important là, quand tu fais un produit. Ouais. Parce que surtout, là, c'est des jeunes là, qui vont avoir ça. Mais, ouais. Ils déconnectent rapidement, c'est ça. Parce que ça ici, c'est super gros. Ça, c'est super ouais, cool. Ouais. La partie qui se connecte, elle rentre pas dans la machine vraiment. C'est pas comme rah, dans la machine. Elle est comme juste sur le bord tout le temps. Là. Puis ça, c'est tellement lourd que t'as l'impression qu'elle fait un poids. Ben ouais, ben ouais. Il y a tout le temps sur le bord de débrancher. C'est clair. Fait que bon, ça, ben, ça serait un nom. Un nom. Garbage. Je suis rendu à quel? Si on est dans le 16. Ouais, tu peux y aller avec ça. Ouais, Atari. Atari Jaguar, mesdames et messieurs. Moi, ça, c'est le dernier vestige des manettes à keyboard. Ça, c'est, donc, ça, ça ouais. commence à être. C'est-tu comme un propriétaire? C'est plus gros un peu. Ok, c'est inversé. Ok, c'est, mais, c'est incroyable. Ellie a un problème avec sa manette. Ça, c'est des petites pins à l'intérieur, puis il y en a qui sont croches. Fait que la minute que t'en as une qui est croche, t'es plus capable de brancher ta manette. Fait que ça, c'est de la merde. C'est super mal pensé. Mais tu vois, c'est fou parce que. La prise en main, t'es cœur. C'est ça. C'est ça. Après, oui, totalement. Outre le clavier, parce que si tu vois, je suis gossé sur le clavier, en bas, c'est un peu plus ouais, difficile. Mais tu joues pas sur le clavier en fait gameplay. Ça, pour le gameplay en haut, là, la manette est bien pensée, ça rentre dans. Puis moi, j'ai des grosses mains quand même. C'est hyper confortable. Elle est légère aussi. Ouais. Vraiment légère. Ouais. Ouais. Non, moi, je l'aime bien, cette manette-là, sérieux. Je trouve qu'elle se tient bien. Les boutons sont à la bonne place. Tes pouces, on dirait qu'ils ont envie de peser sur des ouais, ouais, ouais. invisibles. Puis que c'est pas pire, là. Les boutons sont... C'est quand même drôle d'avoir mis CBA sur, les, ouais. Sur la manette au lieu ouais, de c'est A vrai, B et C. Hein? Mais Brandé Atari là, Brandé Atari sur le connecteur, tu sais, ouais. ils ont fait un effort, là. Mais moi, je la trouve affreuse, par exemple. Ouais, ouais vraiment. C'est vraiment que c'est une des pires manettes. C'est une grosse chose. C'est une grosse chose. Ouais, tu vois, moi, je la trouve un peu grosse. Le on D-pad peut mettre des overlays sur le keyboard. J'aime aussi. Pas le D-pad parce qu'il est... La croix est pas assez profonde ou définie, ouais. en fait. Là. Okay. T'sais, au niveau du feeling de pouce. Ouais, là, c'est vrai. C'est assez rond. En fait, t'sais, cette console-là, là, t'sais, tout avait été défini par le marketing. Là. C'était doux de maths, on a plus de bits, ouais. on a plus de boutons sur notre manette parce que ils en mettent un peu n'importe où. Alors, t'sais, moi, elle n'a pas une bonne place dans mon cœur. Par contre, les boutons sont bien, là, t'sais, honnêtement. Je trouve que ça n'est pas pire. Là. Mais en tout cas, on peut passer un vote, messieurs. Moi, c'est non pour moi, catégorie. Design, non. Prise en main, oui, mais moi, encore le connecteur, tout ça, non. Ça ouais. passe par. Okay, moi, c'est logiquement, non. c'est non, mais all dans right. mon cœur, c'est oui. le j'aime, underdog. J'aime ça, les underdogs. Ah oui, t'as même un t-shirt de ah oui, c'est ça. Ah, tu peux sortir Doux cette chose-là. Ouais, Panasonic 3DO. Ah, ouais. Bruno l'a mis dans la liste, puis on a ça ici. Ouais, ben, c'est la première manette fois que j'aime bien. J'ai joué quand même pas mal avec. La pire connerie de tout ça, c'est que la deuxième manette se branche dans la première manette. Ça, c'est vraiment calme. Il n'y a pas deux plugs sur la console. Ça, c'est assez imbécile. Même ça marche. Mais il y avait de quoi pour mettre sur ton trou, par exemple? Ouais, c'est ça, on a perdu le cap. Ça, au moins, tu sais... C'est pas des pins qu'il y a à l'intérieur. Là, ouais, c'est ça. C'est mais vraiment, ils sont l'autre bord dedans. Sont dans ouais, ils sont dedans. fait que tu peux te brancher toi-même. Ah ouais, c'est ça. C'est un loop infini. Là. ben, moi, cette manette-là, je m'en sac un peu. Je trouve que juste comme. Ce que je trouve intéressant, c'est comme une par contre, bâtarde, c'est le fait que tu puisses rentrer tes écouteurs dedans. Ah oui. Ah, il y a un volume. Ouais, j'avoue. C'est ça, c'est intéressant. D'ailleurs, c'était fait pour écouter des films aussi. Oui, exact. La prise en main, pas si mal quand même. Elle est large. Ouais, très large. Oui. Mais. Ça il y a place dans mon cœur. Mais c'est ça, elle est large. Ton reach est pas terrible. Surtout quand t'es kid, là, tu finis par jouer avec tes mains en dessous. Ouais, t'es un kid de millionnaire, là, sérieux, quand t'es kid puis t'as ça en non, mais t'as loup, tu sais, t'as loup. Ouais. Tu demandes à tes parents de faire un dépôt de 3000. C'est ça. Hey, papa, peux-tu laisser le char en garantie? On va louer 3DO. Écoute, je pourrais t'enlever un rein aussi. On laisse ta petite soeur en garantie. On va le laisser d'une glacière. Moi, je trouve qu'elle a vraiment des beaux features. Elle innovait pour plusieurs affaires. T'sais, le jack pour les écouteurs avec le volume, le fait que ça soit rond, t'avais comme le croissant, puis t'avais les shapes en arrière pour bien la tenir. T'avais les shoulder pads, les boutons, je trouve qu'ils sont responsifs. Elle est pas libre. Moi, j'aime que les boutons sur le shoulder pad soient snappy. Ouais. Si on clique, clique, clique, clique, clique, 5 spaces dessus. Mais moi, personnellement... Moi, c'est ça. Je me suis rappelé la prise en main. C'est vrai que je finissais tout le temps par mettre mes mains autrement. Je savais plus comment y mettre sur la manette. Après des longues heures de jouer à 3DO. Ben, c'est parce que quand t'as à loup pour une fin de semaine, man, t'as pas le choix. Là, tu le fais en esti ton temps. Tu sais, il y a des bons côtés là-dessus. Moi, ce que je me rappelle, c'est vraiment un des launch titles. C'était Super Street Fighter 2 Turbo. Ça, c'est un bon jeu. C'est un de tes launch titles, puis t'as 5 boutons. Ouais. Tu sais, c'est comme, man, il est où ton sixième, là, tu sais? Il t'en manque un quelque part, là, ouais. Oui, il y a peut-être une espèce de play, puis stop, mais ça faisait pas ça. Fait qu'il en manquait un. Ouais. Moi, j'ai, tu sais, le jack, puis le volume, je trouve ça impressionnant. C'est intéressant, honnêtement, là. Mais en tout cas, à part ça, là, je... Ouais, moi, le D-pad est correct, il fait le travail. Là, ouais. Mais ce qui est killer, c'est vraiment le fait que tu branches l'autre manette de neuf. Ah, ouais, ça c'est jambon ensemble. Ah, ouais. Ouais. Fait que les gars, on passe. Moi, c'est totalement. Non. C'est de glace mort. Devant cette chose. De glace. De glace. Ah, t'es dur. J'ai une belle pile de manettes de mon côté qui sont qui ont pas passé. Il n'y a pas trio. Trop de winner, hein. Ça, veux-tu mettre ça là-bas? Ben non, mais ouais. C'est pas pire. On est. Non, on serait peut-être à 64. On les juge comme PS1. En fait, PS1 dans l'ordre chronologique. Mais... Okay. Ben, il faut faire Saturn aussi. C'est vrai, c'est Saturn. J'arrive pas. Ah, Christ. De la misère à prononcer. Ce manette-là. Ça, c'est un jack qui te plaît, ça, par exemple, Ben. Hein? Ouais, ouais. Moi, c'est con, là, mais c'est le genre d'affaires. Moi, les affaires propriétaires. Un jack. Ouais. Les affaires propriétaires, que tu sais, juste le design, là, ici, t'as un petit élément. Là. Quand tu branches, ça fait clic, ça barre un petit peu. Tu peux pas te tromper, t'as juste un côté, ouais. C'est en demi-lune, puis tu sais, c'est super bien fait. Puis ça, Nintendo, faut leur donner ça, là. Ils sont vraiment bons là-dedans. Ouais. Moi, j'ai joué pas tant que ça que la Nintendo 64. Je me souviens que j'avais toujours une espèce de déchirement entre est-ce que je joue comme ça ouais. ou je joue comme ça. Est-ce ouais. que je suis D-pad ouais. ou je suis analogue? Ouais, c'est ça. Puis au final, je pense que ça a fini comme ça. Pas ouais. le choix, tous les jeux étaient de même. C'est ça, le D-pad servait pratiquement servait à rien. Puis c'était un peu c'était de l'espace perdu. Il y avait aussi le bouton rouge au centre. Tu sais. Je sais pas, il y a comme plein d'affaires là-dedans. Moi, je trouve que c'est ça, la façon que les boutons sont placés, le C avec les petits boutons, je le sentais pas en tout. Non, moi non plus. La gâchette qui est en dessous, ça, je trouve ça cool, parce que justement, ça permettait du gameplay assez rapide. Les deux gâchettes, les boutons, Nintendo sont king là-dedans, par exemple. Les boutons, tu sais, t'as vraiment une bonne réponse. Le D-pad, je l'aime pas, il est trop gros. Le joystick est trop petit. Puis le fait qu'il bloque. Il faisait tellement mal au pouce. Ah ouais, hein. Ça marche pas pantoute. Puis il glissait avec des longues sessions. Puis. Oh, ben, tu peux brancher des affaires dedans. Tu peux brancher des affaires dedans. Mais ça, tu deviens avec un. Ça devenait lourd, gros, grosse affaire, là, tu sais. C'est un bémote. Mais est-ce que c'est la première manette à introduire la vibration avec le Rumble Pack? Fallait que t'aies le Rumble Pack, ouais. Mais je pense que oui, je pense que c'était la première. Ben, c'est la première manette avec un stick analogue. En plus. Ouais. Ouais. Non, ça innove. Elle amène beaucoup d'innovation. Oh, oui, il y a de l'innovation totalement. Dans cette manette-là. Ouais. Là. C'est Mario. Elle innovait, mais ils ont... Moi, je trouve que c'est ça. En tout cas, je sais pas si les concepteurs suent pas jamais en jouant, mais le joystick, il glissait tout le temps sur les doigts. Il joue dans un endroit climatisé. Ça prenait les gants de Mario Party. Ça, c'est pas un original en passant. Là. Il a été changé. Là. Ça, c'est un stick de GameCube. Mais c'était quand même un plastique. Tu n'avais pas... Ouais. Ça retenait mal le pouce. C'est qui faisait remarquer tantôt que le centre de la manette, c'est le nunchuck? Ouais, c'est ça qu'on regardait. Quand je jouais à Robotron, ouais, c'est exactement je tenais une manette de 64 dans chaque main. Je me suis rendu compte que la queue du milieu, c'est précisément un nunchuck. Dans le fond, le nunchuck de la Wii a été repris dans le fond. C'est comme s'il avait coupé le milieu d'une manette 64 qu'il avait fait un nunchuck avec. Fait que, elle n'est pas parfaite. Ouais. Elle amène tellement de choses, je trouve. D'innovation. Elle a innové beaucoup. En fait, c'est comme, checker ça, on a tout. Ouais. Mais on l'a pas, on l'a. Tu sais, c'est comme, tu sais, t'as tous les ingrédients pour faire un espèce de bon gâteau, mais t'es mets pas dans le bon ordre puis tu fais pas cuire à faire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au final, là, c'est comme. Un bon gâteau à viande, végé. Trop d'affaires. Ouais, ils veulent trop en faire. Fait qu'on vote, les gars. Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui aussi. Juste pour ce que ça amène. Là. Mm. Ça a comme le premier analogue, le Rumble Pack. La carte mémoire qui allait aussi dedans, là, que ouais, tu pouvais avoir. C'est moins. Moi, il y a plein de choses que j'aime pas sur cette manette-là, sérieusement. Ouais. Mais... ouais. Tu sais, je sais qu'elle a apporté beaucoup et qu'elle est vraiment importante dans le cœur de plein de monde, mais c'est une manette. Encore aujourd'hui, j'aime vraiment pas cette manette-là de Nintendo. Je trouve que c'est vraiment la pire manette qu'ils ont faite. Ben, esthétiquement, elle n'est pas la plus réussie, là, ça c'est non. Clair. Non, c'est laid. Non, ça c'est. C'est comme. C'est gros pour mettre des affaires dessus. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est pas. Il y a comme tout un espace perdu en haut, ouais. On s'entend, là. Dans le milieu ici, il y a un gros espace perdu. Tu sais, c'est comme un océan d'espace perdu. Comme on rajoute ça, ben rajoute du plastique sur la manette. Fait que la manette, elle devient plus grosse. On va mettre ça, rajoute du plastique. Mais ça, c'est assez curieux, par exemple, qu'il ait fait quelque chose d'aussi gros aussi, parce qu'on s'entend que là, on est quoi, fin des années 90 avec ça environ? Ouais. Tu sais, il y a eu les crashs pétroliers. Oui. Ouais. Ça, ça a changé beaucoup l'industrie du jouet et du jeu vidéo parce que le plastique coûtait cher. Donc, eux, ils ont quand même pris la décision de prendre du gros plastique comme ça. Ils ont ignoré. Ouais. Ce qui est fou, pareil. Okay. C'est un quoi pour ça? Je sais pas, man. Eux autres, oui. Toi, on dirait que non. Moi, je suis pas sûr du tout. C'est toi qui es le c'est toi qui décide ça, mon gars. Je pense que la prochaine va être supérieure. Fait que moi, non. Ouais, c'est vrai. OK. Bon. Fait qu'on la met dans la colonne des indécis ou des noms? On la met dans les noms, man. OK. C'est blanc ou noir. La vie, c'est le même. Tu peux pogner les deux manettes de Samsung. No prisoners. Ouais, elle puis la ronde. J'avais pas laquelle fallait qu'on parle. Fait que j'ai pas amené la modèle 1. Oh, ça c'est la modèle... la ronde. Ça, c'est la modèle 2 nord-américaine. Mm-hmm. Et ça, c'est la modèle ronde qu'on pouvait acheter pour jouer à Night. À Night. Ça ressemble quasiment à HDMI. Hein. Moi, j'aime bien la ronde, sérieux. Ça, c'est correct. Ce que j'aime pas des manettes de Saturne, les fils sont raides. T'es assez dans le rouler ça, c'est comme... T'as l'impression que des fentes par dedans. T'es super pas à l'aise là, de twister ça. Là. Mais voulez-vous que laquelle vous voulez qu'on couvre? Celle-là ou la ronde? Moi, je préfère la petite. Ouais. Parce que c'est elle que je suis familière avec. Les gâchettes de la ronde, j'ai un petit peu de misère avec. La ronde, on sent vraiment que c'est l'ancêtre de la Dreamcast. Là. Ouais. Les gâchettes, tout ça. La Dreamcast, c'est une version améliorée de la ronde. Mais, tu sais, elle est drôle à regarder. Fait que je l'ai amenée pour ça. Ouais, cute. Mais c'est une drôle de chose. Puis pour les shmups, tout ça, ça va super bien. Encore une fois, beaucoup de plastique. Ouais, c'est beaucoup ça qui de plastique. Mais, tu sais, le D-pad, il est correct. Ben, moi, c'est une manette que j'aime bien. Là. Les shoulders de la petite sont épouvantables. Ouais, vraiment. Non, elle n'est pas super. Hein. Ça n'a pas de sens. J'ai tout le temps trouvé les shoulders tough là-dessus aussi, puis ils sont beaucoup utilisés. Là, t'sais. Fait que 6 boutons. En fait, les 6 boutons comme ça, ils reprennent exactement le design de la manette 6 boutons de la Genesis. Mais la façon que les boutons sont faits. Mais la manette de Genesis 6 boutons est beaucoup plus petite que ça. Là, ils l'ont comme beefé un peu. Ils ont grossi chaque côté, puis on met un shoulder. Ça serait comme... La manette de Genesis aurait dû être comme ça pour accoter la manette de Super Nintendo. Mais là, c'était trop tard, à mon avis. Puis, shoulder pads sont vraiment de la merde. Ah, vraiment. Ouais, vraiment, tu le sens pas là, quand tu pèses dessus. Tu sais, j'hésite entre... J'appuie comme ça. Là, ouais, parce c'est ça. Pas trop. Là. Par contre, les prises vont te plaire. Les bonnes grosses prises claquent dans la machine. Ça, c'était bien agréable. Ça ressemble à HDMI, tu peux pas te tromper. Ouais, c'est ça, c'est la version 2, là, celle-là. Fait ça, c'est la 2, ouais. Je l'ai pas pris. Moi, je préférais la version 1, en fait. Elle est meilleure à la 1 que la 1, en plus. Moi, j'aimais la 1 avec les gros clics-clics, là. Ouais. Je me rappelle, mais probablement plus par souvenir de jouer à Street Fighter 1, à Alpha 1 sur, sur la Saturn que j'aimais comme jeu, puis c'était la seule console qui l'offrait, là. Fait que, c'est intéressant, mais moi je trouve pad, là, c'est pas vrai. On va passer, je pense. Elle est dans maudit la ronde, mais t'es cœurante pour la prise en main. Ouais, elle va bien, sérieux. Ben, moi j'aime moins les 6 boutons. Je les trouve. Trop proches. Ouais. Il y a quelque chose de moins naturel. Moi, quand j'arrive, là, puis il faut que je touche avec la base de mon pouce, là, ou le milieu de mon pouce à certains boutons, là, c'est non, ça marche pas. Hey, mais le ils sont difficiles. Le joystick, par exemple. Le joystick, tu sens même les clics à l'intérieur. Là. Ça aussi, c'est relatif. Hein. Moi, j'ai pas les mêmes mains que toi. Là. Ouais, c'est ça. Ben ouais, l'analogue, il va super bien, par exemple. Il est gros, ton gros pouce rentre dedans, tu sais. Puis moi, je les aime, les triggers. C'est pas comme... c'est la première fois qu'on avait des triggers. Ouais. La 64 en a, mais c'est un bouton que tu appuies. Ouais, c'est des shoulder pads, ça, c'est des triggers. Non, la 64 en dessous dans le milieu. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est mais vrai, ça, c'est quelque chose. Tu sais, c'est du solide, là. Tu pèses là-dessus, tu tires du gun. Là. Ouais. Fait que ça, ça m'a plu, tu sais. Ben. Moi, là, en haut, sur la manœuvre, la ronde, oh. Y a-tu comme un, ouais, un petit quelque chose? Tu peux détacher ça. Mais ça a l'air, mais. J'ai jamais essayé. La petite, on la met dans le petite, coin. On la tasse. Moi, je la tasserais, là. Jeff. Elle brise pas mes affaires. Ah! Voilà. Ah, puis tu peux en plugger un autre dedans. Ouais, c'est ça. C'est que probablement que tu peux juste changer ton fil. Ah! Ou, tu sais, peut-être tu peux brancher. Peut-être qu'il y avait de quoi peut-être wireless. Peut-être un truc sans fil. Ouais. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Une canne à pêche que tu mets là-dedans, tu sais, ou je sais pas. Ben, c'est un objet innovateur. Mais du côté des airs, je trouve qu'au moins, ils ont risqué. Oh, oui, t'en as pas des manettes comme ça. Mais tout à l'heure, on a comme... on a tassé la Nintendo 64 en disant la suivante est mieux. T'sais. Ouais, c'est un peu moi, ça. Moi, je dirais ouais. Peut-être que ce serait le même raisonnement pour moi dans celle-là. Là. Ouais. Fait que la ronde, elle a mis les bases sur quelque chose que vous allez voir dans quelques minutes. Mais pour jouer au Saturn, moi, je l'aime beaucoup, par exemple. Je la prends, mon Jabba Tsugun avec. Ouais, c'est ça. Nous autres, Jeff, on connaît notre shit. Fait que là, ça, c'est la suite. C'est la manette de Dreamcast. Évolution de la manette ronde de Saturn. Ouais. Donc, c'est pas un disque. C'est adapté. Fil par en bas, goddammit. Ça, c'est un gros défaut. Ouais, ça, j'ai ça. Attendez. Puis, il y a un clip, pour la remonter par en haut. Ça, c'est un peu bizarre. Tu sais, c'est comme... Ça, c'est... Ah, OK, on ça sait qu'on a fait une erreur. Top. Ouais. Fait qu'on va te mettre tout de suite en partant une affaire dessus. C'est ça, tu sais, why? C'est ça. S'il faut que tu répares tes défauts devant tout le monde, tu sais, ben, il y a donné la liberté de choix, les boys. Moi, j'ai pas essayé la Dreamcast. Le petit écran qu'il y a dans le milieu, c'était cool. Ben, ça sert à tes save games. Mais Soul Calibur, mais il y avait des petits jeux. Il y a un bonhomme de Soul Calibur qui bouge. Puis, tu sais, c'est adapté, sérieux, ça suit. Il y avait, je pense, c'était Sonic Adventure aussi. Il y avait un petit jeu que tu peux amener avec toi là-dessus. Comme ça, tu peux jouer à des jeux de Tamagotchi, je sais pas quoi. Puis, ça te sert de memory card. Tu mets ça là. Tu peux rentrer un Rumble Pack là, ou un truc. Donc, tu peux mettre bien du stock là-dedans. Puis moi, je trouve la prise en main. Elle est bonne. T'es bien à l'aise. Là. C'est pas boutons, compliqué. T'as deux boutons là. T'en as 4 sites. Start. That's it, man. Mais la forme aussi est vraiment très belle. T'sais. Si tu regardes. Si vous regardez cette manette-là, puis vous regardez votre console Dreamcast, il y a vraiment une continuité au niveau du rond. Ouais. Des triangles, tu sais, de comment ça a été fait. Les directeurs artistiques doivent triper. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y avait une belle continuité. Ouais, même le triangle qui est là était sur la console. Puis l'analogue, là, il est malade. Ouais. Il va exactement où tu veux aller, il est smooth. Le D-pad était bon. T'sais, tu pouvais jouer à des jeux de combat avec ça. Il y avait Third c'est Strike. C'est bizarrement une de mes meilleures manettes. Ouais. Pourtant, je trouve qu'il y a... Il y a tellement de plastique là-dessus, encore une fois. Ah, ça, c'est sûr. Mais c'est parce que aussi, quand tu fais des gros connecteurs comme ça, c'est sûr que tu n'as pas le choix de mettre du plastique. Là, c'est ça. Tu rentres des écrans, des choses comme ça. C'est... Moi, en fait, le seul problème design, c'est vraiment le fil là, que je trouve un peu. Ouais, c'est ça, le fil, c'est vraiment imbécile. Mais honnêtement, là, je pense que tu pouvais le tendre puis faire comme il ne te dérangeait jamais dans ta prise en main. Non, il était ça. Vraiment devenu en c'est haut, juste laid, tu sais. Ouais. C'est laid. C'est juste c'est pas bon pour le fil en longue. Non, probablement. Le fil aurait dû être en haut, puis le branchage aurait dû être en bas, mais il voulait l'écran en haut. En ouais, cas. C'est ça. Fait que, mais moi, personnellement, c'est un oui, cette manette. Ouais. Oh, ouais, mais c'est un gros vraiment, là... Bon, ben, on a 4, les gars, ça va bien. Il en reste 60. Hey, la PS1, on l'a passée. Ben ouais, hein? C'est ça. C'est l'affaire grise, là. Ouais, la patente grise, pas de joystick. Elle est un peu maganée. C'est la mienne. Elle a été mordue par un chien. Je salue le chien de ma soeur qui a fait la passe à cette manette. Ah, boy, cette manette. Ça, c'est PS1 vanille, là. Ouais. Avant DualShock. Ça, c'est premier. Connecteur, bravo. Ouais. Ben ouais. Moi, je l'ai tout le temps aimé, cette manette-là. Ouais. Je trouve qu'elle se tient bien. Elle est tout petite. Oui. Elle fait beaucoup, puis elle est petite. Ouais. Là, t'en as pas du comme 1000 plastiques, ouais. Là, comme sur la 64. Ouais. Tout est tight là-dedans. Tu vois, moi, pour des grosses mains, par contre, il en manque un petit peu. T'sais, j'ai comme pas le confort complet, mais ça, I get it. Puis l'autre chose, c'est le D-pad, je sais pas. Il est bizarre, hein? Ouais. Il est comme boutonneux. Ouais. Faut que tu pèses dessus, là, fort, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, oui, tout à fait. C'est pas comme un. C'était pas smooth. C'est pas un cercle. C'est comme quatre boutons. Exact. C'est ça qui est bizarre avec ça. Non, mais, moi aussi, mais ça marchait, par exemple. Oh, oui. Mais c'était une époque de haine aussi où il fallait tourner la caméra puis tout le kit avec le D-pad. Ah. C'était frustrant. Moi, j'avais joué à... C'était quoi? C'était Gex, le petit gecko. Ouais. Le gecko, là. Sacrement. C'était compliqué pour rien à cause qu'il n'y avait pas de joystick. Moi, c'est ça. C'est vraiment amour-haine, cette manette-là. Ouais. Mais il y a du stock. Il y a beaucoup de stock. J'aime la prise en main, par exemple. Je trouve ça bien fait. T'sais, moi, légère. Hein? Je pense que ce qu'il faut apporter, on parle de look, là. Ça, en fait, ça l'a défini beaucoup, genre, l'ère de gaming de cette époque-là. Tu sais, genre... ça puis Wipeout, je te dirais à deux, là, avec la manette puis Wipeout, c'était genre, c'est ça l'air du temps de l'époque. T'sais. Ouais. Fait que tu regardes cette manette-là, puis tout de suite, tu dis, t'es ailleurs. T'sais. Ouais. Ça, il y a eu ça que tu avais dans les mêmes. Là, tu as ça, tu dis, waouh, il y a quelque chose de spécial. T'sais, tu joues. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, cette manette-là. Puis, à un moment donné, je me suis acheté la DualShock parce que pour les jeux 3D, Metal Gear Solid, entre autres, ça prenait ça. Exact. Puis, mais j'ai toujours apprécié celle-là, tu sais, pour tout ce qui était un peu, mettons, tactique ou 2D, platformer ou les jeux de combat, tu sais. Je retournais à elle, en fait, la classique, tu sais. En tout cas, mais elle est très minimaliste, mais en même temps, tu as une bonne prise de main. Moi, je trouve qu'elle a une bonne prise en main, là. Puis, c'est pas parfait, moi, tu vois. Encore une fois, c'est des grosses papates. Ouais. C'est surtout avec tout ce qui est venu par la suite. Ouais. On va encore se dire que la suite est mieux. Bon, mais la suite est mieux, fait qu'on tend ça. Ouais. Bye bye, PS1 classique. Mais je l'aime. Moi aussi. Mais on l'aime toutes, puis on la tasse. Ouais. C'est ça qu'on fait, là, les gars. C'est ça, les meilleurs vont rester. Faut qu'on finisse avec trois. Bon, là, tu parlais de grosses mains, là. Ouais, là. Il y a quelque chose pour toi. Là, ça, c'est. À ta mesure. Ça, c'est exagéré. Ça, ça avait pas de sens. America! C'est vraiment. Ça, c'est quand America est arrivé dans le game. C'est le fil, il y a un connecteur. Le fil, il y a besoin d'un connecteur de plus pour se brancher dans la manette. Ouais. Puis il y en a besoin d'un aussi pour se brancher dans la machine. Ouais. Tu comprends? Fait que au lieu de faire un fil tout d'un bout, là, t'as trois morceaux. Là. La manette, le fil, puis l'autre gogosse qui rentre dans la console. Ouais. Complètement de la marque. Tu sais, ils peuvent-tu mettre le logo plus gros sur la manette? Ouais, c'est ridicule. Non. Mais c'est quoi que tu rentres dans un slot sur le dessus des cartes mémoire? C'est carte mémoire. Ouais, c'est les cartes mémoire. OK. Moi, non. Ils n'avaient pas envie de les mettre ces consoles rendues comme PlayStation, genre. Ouais, c'est la console déjà était fucking huge. Ah, c'était lourd. Je me rappelle un moment donné, je l'avais transporté. Tu sais, j'avais été dans mes chums, puis j'avais l'université le lendemain. Je l'avais dans mon sac. Je voulais mourir. C'était tellement pesant. Ouais. Là, ça n'avait pas de bon sens. Puis non, moi, les boutons, là... Ah, les boutons, je les ai. Ouais, ils sont pas ronds, ils sont dérangeants. Ils sont comme coulants. Non, c'est pas. Non. Pourtant, oui, mes grosses mains, là, confortables pour la prise en main. Mais le D-pad, j'arrive dans le milieu de mon pouce. Tu sais, si tu peux voir un peu, là, le D-pad se trouve en dessous. Ça arrive là. C'est pas. C'est, ergonomiquement, là, c'est pas pensé. Là. Ouais, en fait, c'est pensé, mais c'est pas parfait. Là. Non, moi, c'est Moi, je trouve ça laid. Là. Ça marche c'est pas. C'est dégueulasse. On dirait qu'il y a un aquarium dans le milieu de la... C'est gros. Le trigger, là, mon doigt, il arrive pas, tu sais, dans le creux, à la bonne place, tu sais, comme... Il arrive dans le coin. Tu sais, comme ça, la manette, là. Tu vois, ça, je serais supposé être là, à peu près, mais là, je suis là parce que... Non. Non, c'est de la merde, moi. le câble est souple, par contre. Ça, faut y donner, là. Ouais, ça, c'est le fun. Souplesse du câble. Souplesse du câble. On va y donner ça. Mais non, mais, tu sais... Non, mais... On rend à César ce qui appartient à César, là. On va dire dans mes mains, ça. Magie à souplesse. Genre, si t'as fait de la lutte, t'es capable de lever des affaires. Eh oui. On parlait de souplesse, justement. Là, on rentre dans un autre classique. Là. Une des meilleures manettes historiquement parlant, je pense. Là. Oui. Moi, personnellement, je la trouve un petit peu éparpillée, par exemple. Ben, c'est comme une manette de l'espace, un peu. Ouais. Il y a pas deux boutons qui sont pareils là-dessus. Là. Ben, il y en a. Pour les ma shoulders, prise en main, c'est pas encore parfait pour moi. Puis, je sais pas. Je l'aime beaucoup. Mais. je trouve que les le shoulder avec les gâchettes est trop proche. Ouais. Ouais. Ben ça, c'est le bouton start, en fait, où comme il sert pas bien bien, ce bouton bleu-là. Il est peu utilisé. Mais moi, je trouve que c'est ça, c'est comme éparpillé, tu sais. C'est comme un crachat. Mais moi, ouais, à terre. Là, tu vomis à terre. Là, il y a des motons un peu partout, là. C'est ça. Ben, tu sais, cette manette-là, moi, je la détestais quand je l'ai regardée. Puis je l'ai pris en main, puis j'ai joué avec. Puis c'est là que j'ai vu qu'est-ce qu'elle était capable. Puis, ouais, tu sais, le bouton, dans vraie vie, là, c'est un bouton que tu fais plus que les autres, tu sais, dans les sûr. Jeux de plateforme, ah, ouais, tu sais. Puis là, il est gros, puis il est vert, puis il est dans ta face, tu sais. Zelda, les Zelda, en fait, là, là-dessus, là, c'est comme, c'est magique, là. On dirait que c'est juste parfait, là, tu sais. Oh, oui, ça fonctionne tu sais, Wind Waker, bien, là-dessus, puis même, tu sais, Twilight Princess, là, c'était juste génial, là, la prise en main, le... Tout était bon, l'utilisation, le Nintendo m'ont surpris parce que vraiment, je la trouvais là, justement out of space. T'sais, c'est quoi cette affaire-là? T'sais? Ça sort de je sais pas où, oui, mais elle est confortable. Tu peux jouer des longues périodes de temps. Puis en tout cas, moi, je l'avais non, bien moi, aimé, je l'aimais bien. Je pense que mon plus gros problème avec la manette, c'était le C-Stick. Ouais. Ça, je l'aime. Ouais, il sert à rien. Vraiment, ouais, vraiment ouais, pas. Ben, c'était pour la caméra, ouais, pas mal, pour sélectionner. Puis sinon, le shoulder qui est tout seul dans le vide, là, le mauve, sur le dessus, je trouve que c'est tout croche. T'as de la misère à le sélectionner. Souvent, tu t'enfarges dedans. Mais sinon, c'est quand même, moi, c'est ça, c'est une manette j'aime pas mal, pareil. Moi, c'est un peu comme toi pour la Jaguar, en fait. C'est comme un underdog, la GameCube. Je pourrais pas m'empêcher de la défendre. Bon. Mais on la garde, hein? Mais je sais pas. Non? Moi, je vote pas. Toi, c'est un non? Non, c'est pas un non. Moi, je pense je que c'est une bonne manette. Assez personnellement, mais je vous la laisse. Smash, ça reste la meilleure manette. C'est une bonne manette. C'est... Ouais, s'ils l'ont réédité. Ouais, exact. Non, moi, je la laisserai, oui. Ouais, okay. On la garde. Bon, ben. De toute façon, tout à l'heure, il va falloir encore décider tout ça. Bon, oh, ben, monsieur, la DualShock 2. Ça, classique, hein? Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'upgrade, là. Moi, c'est ça me gossait. Ouais, ça. Que ça soit dans le vide. Ouais, ouais. Ben, les shooters, en fait, le fait que ça relève pas vers le haut, ouais, ton doigt ça, glissait sont, tout le temps, ça finissait surtout par être vraiment jeux de gossant. Course, là, il faut que tu tiennes, ouais, là, ah, ça, c'était mal fait. Mais. On parle de la manette de PS3, oui, présentement. Ouais. La pile. En passant, je sais ouais, c'est vrai, hein, parce que c'est quand même un podcast, là. Les gens vont se demander de quoi on parle. Durée de la pile. Ça, c'était bravo. Hein. Oui. Mais ça, là, encore une fois, là, les gens vont me... Ouais, la petite plug. Plugger, à brancher un petit micro. C'est un mini USB, je ne sais pas c'est lequel, les ouais, micros. C'est le micro mini USB, ouais, ça. Là-dedans, là, pour recharger la manette, là, tu peux gosser, là, c'est là, puis là ouais, ça finit par rentrer, puis là, j'ai tout le temps peur de plier de quoi. Pas super user-friendly pour ça, là. Bah, moi, ça me dérangeait pas. Ça, c'est non, juste que le fil, il est pas assez long. Ouais, ça. Si jamais ta ouais, manette est vide, tu dis, il faut que j'abranche. Ben là, il faut vraiment que tu ailles te coller sa télé ouais, parce ouais, que ouais, le fil non, qui vient avec mesure. T'sais. Mais non, moi, le bouton pour aller dans le PlayStation Store, ben, pour revenir au menu, pis tout ça, écoute, moi, je trouve que c'est une manette parfaite. Là. Mais 5 minutes. Moi, c'est la... OK. Là, on est passé direct à 3. Ouais. La 2, on la 2, l'avait je pas sais ici. Pas, hein. Je pense qu'on l'a pas, là. Ah, ben, il y en a une là-bas. Mais... Parce que ça fait la même affaire. Ça fait la même affaire. La 2, j'aurais dit non de toute façon. Là, ah parce non? Parce que, ben, elle avait pas les mêmes features, puis elle était pas aussi performante que ça. Là. Ça, il y a eu quand même des avancées là-dessus. Là. Il y a eu le ouais, bouton PlayStation. La forme de la manette est pas exactement pareille. La charge, les triggers analogues. La charge, ouais, c'est ça. Le 6-axis. Le petit nom bâtard. C-axis. Ça, toi, tu dis C-axis, c'est ça? Je pensais que c'était C-axis. Non, c'est C-axis. C'est six-axis. C'est six-axis. C'est six-axis. C'est six-axis. Fait que, ouais, non, moi, je l'aime beaucoup, cette manette-là. Malgré le fait, tu sais, les triggers, moi, ça m'a pas vraiment touché parce que j'étais pas tant FPS. Mais sinon, je l'aime vraiment. Là. C'est une manette que je me sers encore souvent. Fait que... Ouais, en tout cas, au moins, c'est pas ça que je me sers pour le next gen, c'est tout ce que j'ai. Les sticks sont résistants. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ils sont résistants, puis le clic, ouais, il est parfait. Là. Il ouais, fonctionne super bien. Le L3, là, mettons. Ouais. R3. Ouais. Exact. Mais j'aime mieux la prise en main de la PS4. Mon enfant de 7 ans a embarqué là-dessus comme. Il n'y a jamais eu de problème. Ouais. Fait que oui. DualShock 3. Moi, oui, c'est Wii. Dans yes, la pile de Wii. La Xbox 360. Oui. Légendaire manette, ouais, ça. Tout le monde aime ça, je pense. Pas mal, ouais, ouais, ça, je suis vendu. Ça, ouais, ça a été la meilleure manette, ouais, que je pense qui a été mise sur le marché, là, globalement. Là. Moi, ce, ouais, que, moi, j'ai, moi, pas assez joué au Xbox, je suis pas capable de me prononcer là-dessus. Mais c'est ça. Je vois des trous, je sais pas à quoi ils servent. Moi, la seule affaire, cette manette-là, là, le Christie D-pad, ouais, là, je l'ai, il est vraiment pas bon. Mais en même temps, sur 360, on s'est. Ils mettent juste pour la forme, hein, aujourd'hui. Oui, ben en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeux indie où tu t'en servais quand même pas mal. Mais sinon, le reste des jeux, c'était tout le temps ça. Mais sinon, c'est vraiment une manette géniale, ça, qui fonctionne super bien. Ah ouais. Tu sais, honnêtement, là, tu sais. C'est une grosse, grosse. Tu sais, c'est une grosse amélioration de la Xbox originale, là. Ouais. Ah ouais. Autant, ouais, au niveau, ouais, de la grosseur, c'est que clair, de l'ergonomie. C'est pesant. Ouais, encore, c'est pesant, ouais, à cause des piles, ouais, c'est ça, ouais, qui arrive. Ça. Ouais. Mais ça dure. Ça, mais il y a une version avec fil, là, est moins pesante, là. Ouais. Ouais. Mais tu vois aussi, on passait avec des boutons ronds, des, ouais, boutons ovales, là. C'est, ah ouais, ouais, get with the program. Ouais, ça reste encore. Si vous avez la version avec fil, là, ça reste une de vos meilleures options, là, de manette PC, en fait. Là. Ouais, c'est vrai. Puis, ouais, plus très cher. Là, vous allez avoir ça, mettons, 30$ neuf. C'est vraiment, vraiment une belle console. Pas une belle console, une belle manette. Puis, c'est une belle évolution, parce qu'on a vu d'où ils venaient. Là, espèce de gros affaire, oh, mastodonte. Ah, ouais. Ils ont abouti avec, ouais, ça. Ça, c'était une arme d'autodéfense. Ouais, clairement. Fait que. Elle, je pense qu'en tout cas, ça semble être. Les dimensions, exact. Eh oui. Regardez ça. Ah, non, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, incroyable, pareil. C'est un petit frère, là. Ah, la 360, veut pas, c'est une bonne machine, ouais, puis ça a été bien réfléchi. Là. C'est, ouais, c'est un beau produit. Tu vois, c'est ça, je trouve bizarre que cette manette-là, il n'y a juste pas gardé ça, puis tu sais, rien changé ou à peu près, peut-être du côté de design. Ouais. Mais tu vois, la Xbox One, on en parlait tout à l'heure, il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas là. Exact. Ouais. Bon, on va y venir. Ouais. Fait que là, 360, la Wii, avec la Wiimote et le Nunchuck. C'est là, on est tellement blanc, c'est blasté dans la <l'âge>, ça. Mais ça, on est complètement ailleurs. Pareil, là c'est vraiment... ça, c'est côté innovation, bravo. Ça a changé le monde. Ben moi, j'ai jamais eu de misère avec ça. Là. Je trouve ça le fun, comme tu disais des fois, Nick, de pouvoir juste pendouiller puis d'avoir les bras sur toi puis, ouais, venir, ouais, ça de même nonchalamment. Mais moi, c'est maintenant, en fait, comme j'ai voulu dernièrement, j'étais sur Wii U puis là, je me suis dit, ah, Christy, je vais me retaper une game de Mario Galaxy 2. Puis là, je jouais, puis là, un moment donné, j'étais comme, non, je suis vraiment, j'étais curé de pointer mon téléviseur. Hein, je pense que je suis tanné de ça. T'es tanné? Ouais, mais tu sais, pour le temps que ça a duré, j'ai vraiment trouvé ça excellent, puis j'aimais l'idée aussi de pouvoir, comme tu dis, être nonchalant. Ouais, mais c'est ça. Les deux mains n'importe où, puis tu joues à tes affaires, puis... Ouais, ben moi, cet élément-là, j'ai trouvé bien intéressant, tu sais, le nunchuck, là... T'es pas obligé d'avoir les mains ensemble, tu sais. Ouais. Ça a plein de possibilités, là. Les mettre sur le côté. Tu sais, genre, tu peux te gratter, tu sais. Ouais, c'est ça. Jouer, tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire avec ça. Mais c'est sûr que le côté pointé, à un moment donné, on se tape. C'est devenu, ouais, gimmicky. Ouais. On l'a trop, tu sais. Au début, c'était malade. Pas tout le monde a joué au bowling. Non, c'est ça, non, je suis d'accord. Mais. Moi, je trouve que les batteries. C'est un feature quand même. Ouais. C'est quand même à ça que ça servait. Mais si tu joues de main, tu peux jouer du platforming, ouais, sans problème. Ouais. Exact. Puis, t'as tourne comme ça, puis ça fait ça une bonne manette de NES. Ouais, exact, de NES, bien fait. Qui marche bien quand même. Okay. Ouais. Mais à long terme, ça vient gossant. Ben, moi, ce que j'aime pas, c'est que les batteries meurent vite en plus. Ouais, ça, là, ouais, c'est l'enfer. Tu passes ton temps à changer les batteries, ça me rend fou. J'ai essayé aussi des recharges, là, third party, puis tout ça, puis fuck, ouais, il y a, mais rien l'affaire qui marche. Deux trucs que j'aime de cette manette-là, il y a un speaker intégré, ouais, ouais, qu'on peut vraiment avoir des choses, puis peu de gens savent que cette manette-là a un petit peu de mémoire, puis tu peux faire des choses avec, tu sais. Tu pourrais techniquement jouer un jeu, puis mettre un peu de mémoire là-dessus, puis aller jouer chez ton ami, puis ah ouais? Tu vois, parce que je sais, sur un des projets que j'ai travaillé, on l'a utilisé, cette mémoire-là, okay, personne l'utilise, puis personne sait que ça existe. Okay. Mais il y a ça, tu sais, fait il y a une possibilité. Imaginez ça comme l'ancêtre du Amiibo, là, où tu, ouais, peux sauver, ouais, ton truc, là. Ouais, c'était, ouais, là-dedans, là, tu sais. Mm. Fait que techniquement, le but, c'est genre, étant donné que tu pouvais jouer à plusieurs manettes, t'amènes ta manette chez ton chum, tu mets quelque chose là-dessus, fait que Il y a beaucoup d'innovations là-dedans. Cool, je sais pas, il y a combien de patentes là, dans ça, mais en termes de patentes, je veux dire, brevet, il y en a en tabarnouche. Là, fait que... Moi, personnellement, c'est un oui. Ouais. Moi, c'est un oui. C'est une manette qui a changé la game pas mal. Oui, non, c'est clair. Puis ça a relancé vraiment Nintendo. Ah, oui, clairement. Là, ça se vendait, ça n'avait plus de bon sens. Mais moi, c'est ça. C'est plus Wiimote que Nunchuck, en fait. T'sais. Tu veux aller en Wiimote seul? Tu sais, parce que, en fait, mais les deux, tu sais, les deux vont ensemble. Mais ça me frustre encore quand il y a un jeu qu'il faut absolument que tu aies un Nunchuck, tu sais. L'autre chose, c'est celui-là qui se débrouille juste avec le Wiimote. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. L'autre chose, il faut donner à Nintendo aussi, tu sais, alors qu'il y avait quand même, je dirais pas des difficultés, là, mais tu sais, il était comme vu un peu comme arriéré dans le marché. Le fait de vendre des manettes en deux morceaux, là. Oui. Ça, là, au niveau financier, là, chapeau, là, tu sais, ouais. C'est une machine à cash, là, tu sais. Ouais, ça revenait à peu près à 80$ pour toute la kit. Parce que là, la console était moins chère, mais t'as acheté des manettes en 100. Ouais, puis t'avais besoin souvent, tu sais, il y avait du 4 joueurs. Ouais. Tu te ramasses 4 manettes. Là. En effet, là, c'était super. Des packs de batteries chez Costco. Qui marchent pas bien. Ouais, d'ailleurs, les batteries, là, si vous voulez des piles là, qui durent et qui sont bonnes, des piles rechargeables, achetez des N-Loop. Ouais. C'est Sanyo qui fait ça. J'ai ça, moi, là-dedans. En c'est vraiment les meilleures piles rechargeables que j'ai utilisées à vie. D'ailleurs, okay, les photographes, tu sais, souvent, eux autres ont des flashs, puis ça consomme beaucoup, puis tu sais, il faut qu'ils fassent attention. C'est les meilleures piles. Ces gens-là recommandent ces piles-là. En plus, ça prend du temps à charger, par contre, justement, parce que les chargeurs font attention à comment la pile est déchargée, etc. Fait que pour les manettes, là, c'est vraiment la meilleure chose que tu peux avoir. Là. Excellent. Les autres ont... Ils sont dans ton sac. La beauté du live. Chaud de broche à foin. C'était si bien réalisé jusqu'à présent. Ouais, là, le gars de TV m'est tout brisé. Ironiquement. Donc là, on a... Là, la Xbox One Day One Edition. Donc, yes. C'est la mienne. Oui, c'est celle à Bruno. Tu vois, c'est ça. Moi, je trouve que presque parfaite, mais comparé à la 360, les shoulder pads sont pas à bonne place. Ouais. Moi, il y a ça, puis il y a le D-pad aussi, là, qui est vraiment... Mais belle, par contre. Ouais, super belle. Le D-pad, pour moi, il est pas au point. Les shoulders, ceux-là du bas sont écœurants. Les même shoulders étaient du... hauts à 360, ben plus vers ouais. Là, ils sont encore plus. Oh, oui. Tu tasses tes doigts. Le fait d'avoir essayé de faire ça en un morceau, je comprends d'un point de vue design, mais d'un point de vue prise en main, ça marche pas pantoute. Puis, mais une affaire qui est intéressante avec ça, c'est qu'il y a du force feedback dans les gâchettes. Ah, OK. Ça, je trouve ça malade. Ouais, mettons que tu joues à Forza, là, t'as vraiment de la résistance dans ta gâchette. Okay. C'est vraiment cool. Puis, c'est ça. T'sais, sinon, là, les joysticks, c'est génial. Mais vraiment, c'est ça, les... Je trouve qu'on a reculé pad. Un ouais, peu à cause des shoulders. Puis le D-pad, c'est mieux, mais c'est pas encore là. Les analogues sont bien, honnêtement. Tu sais, les boutons, l'analogue est bien, mais je suis d'accord. Les shoulders. Ils là, sont même trop hauts. Les shoulders sont. Les triggers sont bons, mais les shoulders sont. Ouais, hauts, les triggers là, sont parfaits, mais les shoulders, là, c'est inconfortable. Ouais, faudrait quasiment changer l'angle, puis que tu ouais, joues différemment vers le bas. Tu sais. Le pire, c'est qu'on dirait que les devs le savent, parce que quand tu joues à un jeu, tu les utilises comme moins. Ouais, peut-être. Puis, mais ça se peut, là, ils testent leur jeu comme ça. Oh, ouais, exact. Ils ont mal aux doigts à un moment donné, ils changent les. Mais c'est choses. Vraiment ça, c'est mal foutu. Mais il y a un petit cliquetis au niveau du D-pad que j'aime. Je ne sais pas, là. J'ai pas essayé vraiment avec le D-pad jamais. Là, mais c'est comme si. Pas il jam, mais je sais pas. Ouais, il y a un petit clic. Ouais, il y a un petit feedback. Le il fun, est moins gros. Là, que... Moi, je suis curieux. La Elite, là, celle qui est sortie, là, qui ouais. Je sais pas combien, là, c'est pas si on, tu peux bouger les shoulders. Ouais, je suis pas mal certain. Fait que, tu sais, ça, si tu c'est peux, vraiment le shoulder. C'est probablement la meilleure manette. Là, je trouve personnellement. Là, c'est ouais, c'est ça. Ce qu'elle a de pire, le reste est. C'est comme une claque d'en face. Sinon, le reste, moi, je trouve ça bien. Mais c'est ça, le problème, c'est que tout est bien quand même lourd. Il y a ça. Mais ces shoulders-là, ils ont pas rapport. Là. Tout le reste est bien fait. Là. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? La 360 gagne. Ouais, c'est ça. La 360 gagnerait au-dessus de celle-là. Là. Bon, bye-bye, Xbox One. Bon. Oh! The big one. Ouais. Ça, c'est la surprenante, je dirais. Oui, ouais, mais sans que c'est la surprenante. C'est la gamepad. Moi, je m'attendais tellement que ce soit la chenoute. Tu sais, que ce soit tellement lourd puis tout, mais non. Ah, c'est super léger. La prise en main est bonne. Puis moi, je veux dire que je suis un gros fan de l'écran. Oui. Je trouve que c'est mal exploité dans beaucoup de jeux. Mais je pense que ça, là, ça serait vraiment quelque chose de très, très, très utile à beaucoup, beaucoup de C'est plate parce que tu sais, il y a peu de third party. Au début, il y a eu beaucoup de ports de jeux existants de Xbox 360 ou PS3. Puis il n'y a pas eu beaucoup de third party après ça. Puis ce qui est dommage, c'est que c'est super approprié pour une gestion d'inventaire normale d'une carte. T'sais, exactement. T'sais. Fait que ces jeux-là, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais en effet... Zombie U, là, ils ont tellement bien exploité ça. Oui, tout à fait. Ta manette, tu scannais une pièce, puis tu avais des éléments qui apparaissaient dans ton écran. Ça, là, c'était... D'ailleurs, Zombie, le port... Il est pas très bon. Ouais, c'est pas la même affaire, pas en tout. Là. C'est vraiment une coche en dessous du jeu original. Là. Mais elle se tient vraiment bien. Je trouve que... Les shoulders sont un petit peu trop directs sur le plastique. Là. On dirait que tu les enfonces pas. Mais sinon, moi, juste le fait de pouvoir continuer ta game sur ta manette en tout temps, c'est vraiment génial. C'est un stylet aussi. Il y a un stylet intégré. Ouais, c'est juste que mes kids le perdent tout le temps. Il est pas là. Il y a une prise d'écouteur, il y a un AC adapter, il y a un HDMI, là, on dirait. Mais ça, c'est pour le charger, en fait. Ouais. C'est la prise spécifique. Tu peux switcher ton input TV. Ouais. Genre, si t'as configuré comme du monde, tu changes ton input de télé là-dessus. Bouton de volume. Il y a tout. Là. Non, je trouve qu'il y a tout ce que t'as de besoin. Ouais, là, moi, j'aime ça. Ouais. Moi aussi. Moi, je trouve ça winner. Moi, c'est un gros oui. Ouais. On hésitait au début, mais je pense que. Moi, avant de l'acheter, j'étais comme. Ouais, ça marchera pas. C'est le genre de truc, tu sais, c'est comme l'iPad. T'sais, l'iPad, je voyais présenter, quand tu l'as dans la main, tu fais OK, I get it. Ouais, exact. Ouais. Même genre. Non, c'est sûr, là. Alors, j'étais un peu triste parce que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Rendu à NX, là, tu sais. Ils vont changer toutes les manettes où on va être encore avec le gamepad puis Wiimote Nunchuck. Pas qu'il y a Wiimote, personne ne sait. Ouais, je vais être tanné, moi, là. Je vais être prêt pour d'autres choses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des folles rumeurs qui, au Japon, les Wii U seraient sold out. Puis que ça pourrait vouloir dire quelque chose. OK. J'ai vu ça sur des sites web obscurs. Mais d'habitude, la gestion d'inventaire, là, Apple fait ça, entre autres. Là. Ouais. Dans l'électronique, c'est souvent précurseur d'une annonce un jour. Là. Ah! Mais en tout cas. Fait que la dernière manette, la DualShock 4 pour la PlayStation 4. T'as l'excellent exemple de tout ton c'est pour ça que j'ai amené elle, en fait. Ton stick qui est complètement mangé. Ouais. Tu vois, c'est ce que je te disais. Tu l'as acheté à la sortie, ça, ou à peu près. Oui. Moi, j'en ai acheté la semaine passée, ou là, 2 semaines, des nouvelles. Ils ont changé des trucs dessus. OK. Il est plus rugueux. Les caoutchoucs ont été changés. Il y a certains éléments sur la manette, des textures ont été changées. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont fait OK. On a peut-être des problèmes. Une coupe d'affaires qui ne marche pas. Mais la pile. Ça, là. Ouais, la pile, c'est affreux. Ça dure pas longtemps. Parce qu'en fait, ce que Ben disait, c'était sur les joysticks, il y a des pads, puis les pads déchirent avec le temps, les pads en caoutchouc. Ouais, mais on peut le voir à l'écran. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai amené elle, en fait. Ça se crappe avec le temps. C'est vraiment de la merde. Puis c'est rendu qu'ils vendent des pads des comme ça, genre en unité, pour que tu puisses les remplacer. C'est ce qui me fait chier aussi, moi, ridicule, c'est que le bouton option est super proche des boutons X, des boutons carré. Puis des fois, vu que je suis pas habitué, je l'accroche, tu sais. OK. Ah, oh, excuse, man, je t'allais dans les options, tu sais. On recommence la game, tu sais. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Mais tu sais, sinon, moi, c'est une manette que j'adore, la prise en main. Ouais, la prise en main ça, est très bonne. C'est vraiment une grosse, grosse évolution. La sur lumière, ce qu'il y avait auparavant. Les shoulders et les triggers sont vraiment en bonne place. Ouais, là-dessus. Là, t'as pas besoin de te tasser à la main pour monter plus haut. Là. Ça, c'est bien. Le LED qui est emprunté à PlayStation Move, en fait, il est le fun. Ça, quand tu joues du multijoueur local, c'est vraiment agréable. Oui. Mais surtout quand t'as une cam aussi, si tu changes de place. Ouais. Il va ajuster à l'écran. Ouais, puis c'est drôle aussi parce que tu sais le fait qu'il change de couleur, tu sais par exemple jouer à Diablo à 4 personnes, ouais, c'est ça, chacun t'as chacun ta couleur, c'est ouais, ouais. C'est cool ça. Ouais, puis sinon aussi ben t'as encore une fois t'as un speaker dedans. Ouais, t'as un speaker là-dedans aussi, t'as ton jack. Le speaker qui fait que t'as des affaires qui se passent dans ton speaker, entre autres moi j'y reviens tout le temps à cet exemple-là, c'est parce que je trouve que c'est la meilleure intégration dans Tomb Raider. Quand tu marches dans une grotte puis t'entends tes pas dans roche puis tout ça puis tu t'entends le feu crépiter puis tu recheck ta manette, tu check la lumière puis t'as vraiment le flashing du feu qui crépite, t'sais, c'est vraiment des extras mais c'est vraiment de la belle intégration là. Ben moi je pense qu'en fait t'sais, ils ont ramené le jack qu'il y avait dans la Xbox 360 puis dans Wii U dans le fond, fait que ils ont fait quelque chose d'intéressant. C'est vraiment une belle amélioration parce que si on faut pas oublier que depuis la PlayStation 1, t'as eu la 2, la 3, ben c'était tout le temps des évolutions timides, on pourrait dire. T'sais, ils ont rajouté un petit peu l'affaire. Puis celle-là, c'est la première qui est un peu plus différente. Ouais. Là, t'sais, fait que vraiment, ils ont pris ce qui était bon, qui marchait, puis ils ont joué là-dessus. C'est juste dommage pour la durabilité, là, en fait. Là. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est décevant. Quand ça coûte cher quand même. Tu payes ça 70$ maintenant. Ouais. 60, 70. Puis là, c'est pas cher. Là. Déprimant, là. Une manette, c'est 80$. C'est le prix d'un jeu, tu sais. Ah, bon, allez chez Costco. Ouais. Moi, je vais acheter chez Costco, là, c'est genre 15-20$ de moins que ce qu'il y a sur le marché. Puis tu pourrais aussi aller l'échanger un an plus tard en disant, hey, pété. Hein. Tu vois, un des trucs que j'aime, puis que c'est con, là, mais on l'a vu dans le jeu Infamous. Ouais. Tu sais, tu tournais ta manette, là, puis tu l'utilisais pour faire comme... Pour faire des graffitis. Ouais, faire des graffitis, tu sais, je me souviens pas comment... Puis tu shakais ta canette. Tu faisais ça comme ça, tu sais, c'était vraiment bien pensé, puis ça fonctionnait super bien, tu sais. Ouais, parce que le Rumble aussi est intéressant, il est placé dans tes sticks, à gauche puis à droite, en fait, là, dans les espèces de pattes, dans les manches. Dans le croissant, dans le fond. Tu sais, tu vois, elle se tient bien quand même comme ça. Oui. Puis c'était drôle parce que quand tu shakais, t'entendais la petite boule qui sortait de là. Là. Fait que t'avais vraiment l'impression d'avoir une canette. C'est vraiment écœurant. Puis le pavé tactile que tu... Je pensais trouver que c'est vraiment de la merde, mais finalement, ça fonctionne vraiment bien. Puis il fonctionne bien en tant que bouton aussi. Ouais. Pour les maps aussi, c'est assez intéressant, genre de naviguer avec ton curseur à l'aide de ça, ça va super bien. Ouais, c'est des beaux apprentissages de la Vita, en fait, qu'ils ont mis là-dedans. C'est clairement un mix. C'est ça, ils ont pris toute le technologie, ils ont sacré ça dans un, puis ça marche bien, je dirais. Là. Fait que, c'est comme le. Tu sais, t'es un étudiant, tu sais qu'il est brillant, mais il manque juste la coche. Là, c'est un peu ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça, c'est un athlète naturel, mais il n'y a pas d'endurance. Ouais, c'est ça. C'est un sprinter. Exact. Fait que messieurs... Fait que c'est ça. Ben moi, c'est un oui. C'est un oui. C'est un oui, mais peut-être que, comme Ben a mentionné, la version 2 est probablement meilleure. Ouais, je pense qu'elle est meilleure. Ah ben. Bon. Fait que là, on a toutes faites les manettes. Il en reste combien des manettes qu'on a dit oui? Il nous reste la 360, PS4, Super NES, GameCube, 10, Dreamcast, 10 total. Oui. Top 10 total. DualShock. Top 10 rétro. Ah, faut-tu refaire un autre top 10? Non, mais attends. Déjà, on peut en éliminer. Admettons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va les éliminer par compagnie, moi, je pense. Ouais, mais. Okay. Admettons, là, déjà, Sony. Entre la DualShock 3 et la DualShock 4. Ah, mais la 4. La 4. Ouais, faut dire. Fait que là, t'enlèves la 3. Bon. Là, déjà, elle est... regarde, entre le NES et le Super NES. Le Super NES. Moi, j'irais avec Super NES. Super NES. Supérieur, là, quand même. Vraiment supérieur. Sega Genesis ou Sega Dreamcast? Dreamcast. Oh, mais on veut affiner à combien? Moi, sûr que les plus vieux vont se faire battre. Moi, je voulais qu'on en ait 3. Dreamcast? Dreamcast. Une par compagnie, ça nous en prend 4 d'abord. OK, ouais, 4. C'est une bonne idée, ça, une par compagnie. OK. Fait que on a la Dreamcast. Dreamcast. Fait qu'en fait, on a la deux gagnants. On a Sony. Ben là, by default, Xbox par défaut. Là. Ouais. Je constate qu'on avait tout mis les Nintendo. Ben ouais. Ben non, on n'avait pas mis la 64. Ah, c'est vrai. Il y a juste la 64 qui était pas là. Il aurait fallu que tu aies une Wave Bird là, de GameCube. Oui, une Wave Bird, ça l'aurait fait. Ouais. Nintendo, moi, je pense que c'est la Wiimote. La Wiimote. Ouais. Tu vas l'enlever. Ouais. C'est celle-là qu'on. Ouais. C'est celle-là elle a révolutionné à l'époque, ouais. Mais peut-être c'est pas celle qu'on s'est tannée. Elle durera pas. Sur une île déserte, on veut pas l'amener. Là, on, ouais. on en a 6. On peut se faire un top 5, mettons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, on peut se faire un top 5. Correct. Après ça, on les mettra en ordre. Bon, là-bas, si j'ai le choix entre le Gamepad et la GameCube, je pense que je prends le Gamepad. Moi aussi. Y a plus ouais, Gamepad, moi, avec. Mais on garde la manette de Super NES. Ah ouais, ça, c'est ça, là. C'est bon pour toujours. Tout, là. OK. C'est malade. Fait qu'on en a 5. Top 5. Top 5. On les met en ordre, ouais. On peut faire ça. Moi, je dirais. Ah ouais. Okay. Est-ce qu'on vote d'après comment je vous connais, vous allez mettre la Xbox 360 en premier, la PS4 en deuxième, la Wii U, puis Super NES, puis Dreamcast. Moi, j'aurais mis la Super NES un peu plus haut, là, en fait. Là. Ah ouais? Ouais, oh, ouais, clairement. Ouais. Mais la première. Mais elle a des grosses failles, là. Tu sais, la dernière. Elle se démolit, la batterie dure pas. C'est le PS4. Bon, elle en dernier. Je sais pas. Elle remonte la Super NES. Ça me surprend qu'elle soit là, parce que on dirait que. C'est pas bien, ça? Non, c'est ça, elle a des lacunes. Moi, je mettrais pas nécessairement 360 en premier. Moi, je mettrais peut-être la Super NES en premier. Ah ouais? Ouais. Parce qu'elle passe le temps. Tu sais, c'est. Pour moi, c'est une manette qui n'a pas de faille, en fait. Je trouve qu'elle torche cette manette-là. Ouais, ouais. Okay, fait encore que, maintenant. Top 5 rétro nouveau des meilleures manettes de tous les temps. Numéro 5, PlayStation 4. PlayStation 4. Numéro 4, Sega Dreamcast. Belle manette. Numéro 3, Gamepad Wii U. Numéro 2, Xbox 360. On donne du love à Xbox. Eh oui. Ouais. Et numéro 1, en fait, je pense que c'est sans aucune hésitation. Super NES. Super NES. Super NES. Mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que là. Pour se caler dans son c'est temps. Ça, c'est ça, parce que là, j'en entends qui vont. Ah, ouais, mais. C'est ça, mais ouais, c'est clair. Sûr qu'aujourd'hui, ça ne fonctionnerait ben ouais. plus. Mais pour l'époque, c'est... Ben, ouais, mais c'est parce que je trouve que ça même ça marche très bien encore. C'est ouais, ça que j'allais dire. Sauf que, pense pas à faire un jeu moderne avec ça. Non. Non. Tout ce qui est indie, 2D, let's go. Ça, ouais, c'est ça. Même. Ça serait la analogue, manette ultime. En fait, pour si que tu veux jouer pas... sur Steam à des jeux à saveur indie, ça, c'est, rétro, c'est parfait. Tu te pognes la manette de Super NES que tu branches dans ton ouais. PC puis tu es en business pour la vie. Mais si tu veux jouer à Bubsy 3D, par exemple, tu dis peut-être pas la meilleure manette. Ça manque de joystick. Ouf. Génial! Ouais, hey, on passe au travers, man! Quel job! Ouais, ouais. Ouais c'est ça! Fatigué. Un show de 3 heures encore, tabarnak! On attend show, vos, là, juste allonger. On attend vos emails de haine ouais. pour le ouais. travail de manette qu'on vient de faire live. Là, vos dislikes sur YouTube. C'est ça! Ouais, envoyez-nous vos top 5 ouais, ça serait intéressant. Sur Facebook ouais. là, quand on va publier l'épisode. Ouais. Donnez-nous les vôtres. Ouais, votre top 5 personnel, là, ça serait vraiment génial de ça. Puis savoir. Lesquels vous trouvez que ça n'a aucun bon sens qu'on n'ait pas mis dedans, parce que c'est sûr qu'il y en a. Mm. Mais souris clavier. Ouais, souris clavier. C'est vrai. Ouais, ouais. Ben. NES Advantage. Ouais. C'est sûr qu'on n'a ouais. pas tout couvert. Là, mais la NES Max, Colin, la NES Max. T'aimeras pas ça, man. Tellement genre, bonne la NES Max. Tu rejoues avec ça, man. T'aimeras pas ça. Colin. Elle était petite, les boutons étaient petits. Non, mais j'ai rejoué, je l'ai encore. Ouais, ben. Puis t'as encore le fun. T'as le dit, moi, man. Ça marche pas, ce matin. À Magon avec ça, là. Bon, yeah, ça torche. Vrai. Non, mais tu as contrat avec ça. T'as le turbo là-dedans, là. Ah, ouais, ça change tout, là. Ouais, t'as rien qu'à pogner ton rapid fire puis à pas mourir, man. Ouais. Est-ce que, est-ce que c'est comme tout ce qu'on voulait couvrir, vraiment? Non, ben, j'ai autre chose, en fait. J'avais une autre manette, hein? Ah, ouais, ouais. Hein? Laquelle? Wow, ici, mesdames et messieurs, que c'est boy, wow. J'ai une U-Force. Attends un peu, elle est où la caméra? Tiens. Oh. U-Force, un grand que classique. C'est ça? Ça, c'est comme un gros pad. Puis quand tu l'ouvres... Ça ouvre super bien, les boys. Ben, okay. Regardez ça en dedans. C'est comme une grosse affaire pour jouer à des jeux de sport. Mais comment tu l'allumes? Ben, juste des jeux de sport? Ben, je pense que oui. Là. Okay. Attends, il y a des boutons. Puis là, je vais essayer... Non, celle-là, par